19h. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2h, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, c'est parti. On se retrouve à partir de 22h. Même le vendredi soir. Attends, pourquoi il y a un truc à envoyer là? C'est pas la pub quand même. Non, j'ai juste un. Ah non, c'est juste ça. Très bien. Voilà, c'est juste ça pour dire qu'on est arrivé. Voilà, je savais. Il y a des nouvelles techniques, des nouvelles technologies le vendredi soir là. On se fera Snake et Justin Bieber, tout le monde. On se le fera tout à l'heure là, avec des chiens. Let me know si vous êtes en voiture, on se fera Soprano, bah, il était juste avant, on se le fera tout à l'heure aussi. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regardez dans Hugo, si tu me croises. On se fera Soprano, on se fera Maître Gims et Jules là, juste après. Je suis le chasseur de la poêle, ça va être toi. On est en direct, hein, je précise, vraiment toujours du direct et du foot ce soir d'ailleurs, on va se tenir au courant, mais si vous voulez balancer une petite dédicace, Guillaume et le message au 6-11-12. Bon courage à vous si vous êtes dans la voiture, peut-être entre potes ou si vous découvrez l'émission. Voilà, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit du lundi au vendredi. On termine les soirées ensemble, si vous voulez venir avec nous délirer. C'est gratuit hein, depuis le standard, depuis un fixe 0800 70 42 48. Si vous voulez balancer un petit message, une petite dédicace par SMS, faut juste commencer le texto par Guillaume et vous l'envoyez au 6-11-12. Voilà, pour qu'il arrive dans mon studio, Guillaume, au début, un espace et votre message au 6-11-12. C'est parti pour le meilleur moment de la journée. Trop content de vous suivre. Merci Fanny du 59, ma chérie. Gros bisous à toi. Zed Merion de Soleil tous les soirs. Salut Jessica de Corse. Et bah salut les Corses. Gros bisous à tout le monde. Enfin Bastos de Bourges, Saint-Maurice, de Bourg-Saint-Maurice. Bonsoir à toi. Il y a un E entre autres. T'es toujours au top. Salut Alan du 60. Salut les gars. Salut la Dream Team. J'ai enfin reçu mon iPhone 6. Est-ce que ça gagne chez vous? Merci beaucoup les potos. Salut RCEA Ghost 18. Salut gros bisous potos. Salut à Team Yoplay. Bonsoir à tout le monde. Gros bisous à vous les gars. Ça embrasse bien fort. Putain, c'est génial de passer cette soirée avec vous l'équipe, je vous aime, bonsoir Noémie là. Bon, c'est parti du coup jusqu'à minuit, il y a Julien le stagiaire qui est là ce soir. Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. Autour de la table, ouais, je suis là bien présent. L'honneur d'être là. JM du standard aussi. Salut Guillaume, salut tout le monde. Il y a Julia qui est là. Salut tout le monde. Oula, oula. Arrête de gueuler dans ton micro. Non mais je parle normalement. Elle arrive, elle est vénère direct. Voilà. T'es plus sur une radio locale, il y a un truc. Allez. T'as l'impression que c'est. Non mais c'est normal, j'ai envie de parler aussi. Voilà. C'est bon signe. J'ai envie de parler. Ça va Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va Flo Negano? Très agréable. C'est agréable. La voix, ah ouais. C'est une agression. C'est ça. Excusez-moi. C'était une jolie voix à la base. Tu vas nous agresser. Alors, si vous voulez venir, en tout cas, voilà, le standard est allumé. C'est parti. S'il y a un morceau qui vous fait plaisir, vous me le dites, comme d'habitude. Il y en a qui me dit il y a un nouveau Jules qui est sorti, Mon Amour. Tu l'as entendu, j'ai le standard. J'ai entendu, Guillaume. Ouais. Je crois que c'est un ancien qui est. Moi qui toute ma vie, oh, je veux que toi. C'est pire que ta magie. Oh, je pense à toi. Il y a le nouveau Richard. Il y a des stories de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et tout se passe ta nuit, tu peux le voir à mes cernes, comme une seconde vie qui fait naître nos rêves. Aujourd'hui mon anniversaire, 20 ans, ça se fait de champagne. Hey tout bon, champagne. Bon anniversaire alors, attends. Bon anniversaire. Guillaume et votre dédicace, hein, les gars. C'est parti, enfin le meilleur moment de la journée. Bonjour de Nîmes, salut Christophe et Agnès, salut les copains. Salut. Dédicace à Perrine que j'aime, salut au boulanger, salut à Moni, je t'aime. Salut. Salut Mary, je kiffe cette radio, dédicace à fond du Tarn. Bisous Sandrine, continue comme ça, salut à toi. Merci beaucoup pour le message. Salut Guillaume, juste pour te dire que je suis allé à TPMP hier et que je t'ai vu en vrai, ça m'a fait super plaisir de te voir, même si nous n'avons pas pu converser. Ah, salut Cyril. Ah, dommage. Ah, bah Cyril au féminin, fallait me dire. Salut, hein, Cyril, pour converser. On aurait dû converser. Salut Katabi Blou, bonsoir à vous, il y a pas de problème. Salut Katabi Blou. Dédicace à la KF aussi, salut à la Kinev Family, j'imagine. Salut Kenaon, bonsoir à tout le monde. Donc vos dédicaces arrivent et puis Adrien aussi arrive au standard. Bonsoir Adrien. Allô. Ça va ou quoi, tranquille? Salut. Ça va et vous? Ça se prend. On se fera LP tout à l'heure. T'aimes bien LP? Tu connais LP ou pas, Adrien? Non. Ah non, du tout. Non, le petit morceau là, comme ça. Ah, il est trop bien. Le petit morceau qui bounce, comme dirait mon grand-père. Charlie Pouce et Selena. On se fera Fade à Freddy. Don't need to run, run, run, run, run. When the problem comes. come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come. On s'écoutera tout ça après. Salut Mété du Dja Dja Dinaz, mes affaires. Salut à toi. Là. Salut, ouais. Jimmy's à Monaco est fermé. Il n'y a pas assez de personnel. J'ai pas compris. C'est quoi? Tu me tiens au courant de l'ouverture des bars ou il y a un truc? Ah ouais, c'est un message codé, ouais. Jimmy's à Monaco est fermé. Je répète, Jimmy's est fermé. Deux voilà. Points, il n'y a plus assez de personnel. C'est De Gaulle qui parle. Ah ouais, putain, on dirait un message codé, quoi. Bon, et bah voilà, les messages sont partis. Puis Adrien qui est là de Lens. Tu travailles dans quoi, Adrien, du coup, là? Moi, je suis en terminale. En terminale. T'as 19 ans, ouais. T'as redoublé une fois? Deux fois, c'est pas ce que je disais. Ah, t'as bien les cours, c'est bien. Ouais. J'étais pas sûr, je me suis dit, le prendre mal, mais. Ah ouais, 19 ans. Et alors, comment ça se fait, t'as redoublé deux fois, frérot? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en fait, c'était en CE1 déjà. C'est parce qu'en fait, je suis arrivé en fin d'année. Du coup, ils m'ont fait redoubler, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Et là, c'est la terminale que je redouble. D'accord, ok, ouais. Là, tu refais ta terminale quoi, alors, du coup? Moi, je suis en STMG. STMG, c'est gestion finance, en fait. Ok, cool, bah, je connais. Bah, bon courage à toi, alors, Adrien. T'as passé le bac quand même ou pas l'année dernière? Ouais, je l'ai passé, mais je l'ai raté à 58 points, en fait. Oh putain, ah merde. Sur combien de points il fallait? C'est 400. Ah ouais, donc c'est un petit 8. Ouais, quand même. Un petit 9. Ouais, c'est ça, ouais. Mais genre, t'en branles pas une de l'année ou. Ouais, t'en rien foutre du tout, quoi. Ah ouais, bah, c'est bien, tu l'assumes. Ouais, fais gaffe, on va perdre trop d'années quand même. Ouais. Ouais, bah c'est pour ça, là, cette année, je travaille. Ah, mais le mec hyper prévoyant, parce que plus tu vas travailler, plus tu vas cotiser. Non, mais en plus, c'est vrai. En vrai, tu penses pas maintenant, mais quand tu seras à la retraite, que tu auras 58 ans et les autres, ils vont encore bosser 2 ans, tes potes seraient bien contents en France. En vrai, non, mais. Ah, mais t'as le droit. Mais ça fait phrase de vieux. Évidemment. Mon père, il arrête pas de me le dire. Il est à la retraite, il me dit, non, mais attends, Guillaume, moi j'ai commencé à 14 ans. Ouais, ça, déjà, c'est la phrase de tous les papas. Ça, c'était avant. Ouais. Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'avais 3 enfants à 20 ans, j'ai à mon nez. Ah, mais c'était notre vie aussi. Non, c'est vrai, ah ouais. C'est tellement vrai en plus, c'est tous les darons comme ça quoi. Et ils essayent de t'apprendre un petit peu la vie, ils ont raison, c'est les papas. Hein, ouais, c'est fait pour. Mais bon, en tout cas, sois le bienvenu. T'as une meuf, t'as une gonzesse, tu sors avec quelqu'un, une chose? Bah non, justement, en fait, je viens de parler de ça en fait. Ah, c'est vrai, ben enchanté, alors ouais. Parlons-en, Adrien, mets ton paquet sur la table et on t'écoute. Vas-y. Ouais, bah moi en fait, c'est parce qu'en fait, si tu veux, je me trouve pas spécialement beau en fait, tu vois. Ouais. Je trouve que, je sais pas, enfin moi je me trouve. Enfin, moche en fait. Ouais. Tu vois, je trouve que j'ai un gros nez, un peu les oreilles décollées. Et du coup, en fait, je sais pas comment séduire vraiment une fille en n'ayant pas vraiment le physique, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément, ouais, je suis pas débile, hein, je comprends. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu te plais pas trop en gros. Il y en a plein. Ouais, voilà. Et puis j'aimerais séduire quand même, tu vois, c'est de mon âge, quoi. Donc. Ouais. Ah, tu veux pécho. Ouais. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît pas chez toi? Genre, c'est ton nez, c'est ta tête, c'est quoi? Ouais, enfin la tête et même le corps quoi. Enfin, je trouve que, enfin voilà, j'ai pas un corps de rêve quoi. Ouais. C'est-à-dire, t'es un peu gros, t'es un peu maigre. Qu'est-ce qui te... Ouais, non, je suis entre les deux, tu vois. Mais alors t'es bien, c'est chiant. Oh là là. Ça disparaît au pire. Hein. Enfin, moi j'étais trop maigre quand j'étais petit. Je suis encore un peu maigre, mais j'étais vraiment mince. Maigrichon. Ah, c'est vrai. Après c'est. Non mais là je suis normal. Là je suis normal. Ouais, je suis plus maigre. Ah, t'es svelte. Et là, mais je mange. Là, ouais, tu manges à ta faim. Tu fais du sport. Et même pécho, je sais. Je plaisante, j'ai stagiaire. Il est svelte à tendance maigrichon, j'ai stagiaire. Ancien maigrichon et un peu normal. Non, j'ai des petits bras maigrichons. Ouais. Non, mais il faudrait que tu soulèves un peu d'alter. Tu devrais aller faire un peu de sport. J'ai fait ça il y a pas longtemps et j'ai fait 4 kilos d'alter. En fait, le bras gauche, c'est pas possible. Le bras gauche, j'ai stagiaire. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait un sport où j'avais que le bras droit qui fonctionnait. Donc ça s'appelle la masturbation. Non, c'est le tennis. Voilà, mais tu fais un personnel. Il pousse. Ah non, là c'est gênant. Non, non, ne sors pas ça parce que ça, si tu peux la faire. Mais chez toi, loin de moi. Je m'en fous dans le salon. Et non, tu fais du tennis, toi. Ouais, c'est pour ça, je suis droitier, donc forcément le droit il est plus développé. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est tous les tennismans. Hein. Ouais. Genre Nadal, il est gaucher, ça se voit, il a un bras gauche énorme, je crois. Après, il fait pas que du tennis, lui, franchement. Il fait quoi? Bah, il prend autre chose, apparemment. Ah, tu crois que. Ouais, je dis pas ça comme ça, mais. Ah, je viens stagiaire sur le compte pour un animateur de RMC. Il balance le. Non, c'est des rumeurs, après je dis ça. Tu crois que Rafael Nadal se dope? Ouais. Bah, plein de joueurs. Se doper, c'est un grand mot, mais il prend des trucs. Ouais. Jouer au tennis à Roland-Garros 5 heures, il fait 30 degrés, malheureusement. Ah, toi, tu crois que c'est possible? Ouais. Ouais. Il est très fort, il est entraîné pour ça. Tu crois qu'il prend quoi, genre? Bah, je sais pas, des vitamines espagnoles que personne n'a, tu vois. Merci. Un truc, non, tu crois qu'il se pique et tout avec. Ouais, je pense, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Bah, comme au vélo. Après le vélo, c'est vrai que c'est. Ah non, mais le vélo, moi, je pense. Je pense au foot aussi. Non, je pense qu'au vélo, il y a quand même beaucoup. Ici, il y en a un qui apprennent. À chaque fois, ils apprennent qu'ils sont dopés, qu'il y a un moteur dans le vélo. Même 5 ans après. T'as l'impression que c'est un sport où ils essaient tous de te niquer, tu sais. C'est vrai, attends, c'est vrai. Ils se dopent tous. Tu sens que le vélo, c'est bizarre. Et comme tu dis, je stagiaire 5 heures à 30 degrés, là, quand ils font des courses. Le cœur, le corps. Attends, t'as des étapes, ils font 5-6 heures au Tour de France de montagne, il y a 200 km. Excuse-moi, ils roulent à 70 à l'heure. Bah, dans les Pyrénées. Quand va-t-on se poser la question? Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des il y a des débat, après, je dis pas. S'ils en arrêtent des dopés qui vont aussi vite que les pas dopés, c'est peut-être que les pas dopés. Leur produit est pourri, en fait. But pour Paris, à niveau du 64. Il y a Paris qui joue ce soir. But de Lucas sur pénalty contre Saint-Etienne. Articule. C'est tellement content. Non, mais c'est bien. Donc 1-0 pour l'instant. Pour le PSG. On se tient au courant dès qu'il y a un but. Il est 22h12. On va parler du coup. Est-ce que vous avez des astuces pour plaire aux filles ou pour les mecs? Pour plaire aux nanas ou pour les filles? Est-ce que vous avez eu des astuces pour vous trouver un peu plus jolie? Pour vous améliorer un peu physiquement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans une glace et de vous dire là c'est plus possible? Remise en question. Voilà. Ou alors moi ça m'est arrivé une fois qu'il y a une meuf qui voulait plus de moi. Pas de moi, pardon. Et qui m'a dit voilà, je sortais pas avec toi, tu me plais pas, voilà. T'es pas sexy, tout ça. J'avais genre 12-13 ans et du coup, je me suis dit putain, je vais devoir acheter des nouveaux vêtements, genre m'habiller, j'ai leur machin. C'est en général par des chocs émotionnels. Une meuf, hein. Que t'avances, quoi. Moi, c'est quand une meuf, au bout de 5 ans, m'a lâché, j'ai l'impression que je lui pesais plus. Du coup, moi, je me suis dit tiens, il faut que j'aille faire du sport, faut que j'aille me couper les cheveux un petit peu. C'est du bien. JM, du standard, est-ce que tu t'es déjà remis en question? Est-ce que t'as une astuce pour plaire plus aux filles? Ouais, bah, il y a pas très longtemps, en fait, j'ai trouvé que j'avais vraiment pris du ventre, mais vraiment impressionnant. Et donc, ce que je fais, c'est que je mange plus du tout le soir en rentrant. Alors qu'avant, après. Ça, c'est pas bon. Tout le temps. C'est pas bon, ça. Et ouais, mais. Ça perd pas. Ça fait 6 mois que je mange plus. Ah ouais? Ouais, et depuis, ça va un peu mieux. Ah ouais, et il a plus de dents, par contre. Mais... Il fait des malaises. Et remise au sport, voilà, un peu, ouais, ça y est. Ah ouais. Je m'y remets, ouais. Ah ouais, pour plaire aux filles, quoi. Vraiment, ouais, voilà, ouais, histoire de. T'avais de la bedaine, t'avais du vent, t'avais du ventre trou un peu. T'avais une bouée. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout le monde a la bouée. J'ai des potes aussi, pareil, dans le sud, c'est abusé. Ah ouais. Estomé, ouais. Ah, ils ont pris un peu de ventre. Oh là là, ouais. Après, avec l'âge aussi. Ah, comme dirait James, oh là là, quoi. Ah ouais, oh là là là là là là. Mais ça, c'est l'alcool, hein, souvent. C'est la plus grosse transformation que j'ai eue. Ah, c'est vrai, un des potes. Il faisait 1m90. Ouais. Il était super, super fin. Et bon, il est toujours aussi grand, mais maintenant il a une bouée. Mais laisse tomber, j'ai jamais vu ça. Ah, ça a poussé, quoi. C'est la bière. Il est passé à 120 kilos, je crois. Ouais. C'est grand, mais c'est énorme. Faut faire de la muscu et surtout se laver. Pourquoi se laver? Naturel, ne pas montrer que l'on est complexé. Ouais, en fait, il faut s'assumer, quoi. Ouais, c'est dur à dire. Ah, mais c'est difficile, dur, la psychologie, parfois, ça bloque. Hein. Ouais. C'est comme les. Par exemple, moi, je sais qu'avant de rentrer sur le plateau TPP, au début, j'étais un petit peu stressé, mais ça va mieux. Mais les 2-3 premiers jours, en fait, ça te castre. Hein, là. Ah, bah ouais. Donc les mecs, ils sont un petit peu complexés physiquement, c'est pareil. Ils arrivent dans une pièce, ils sont un peu complexés d'eux, du coup, ils sont moins à l'aise, quoi. Ça arrive, hein. Est-ce que vous avez des astuces pour plaire aux filles? Est-ce que vous avez déjà fait une transformation chez vous physiquement? Est-ce que vous avez déjà fait de la chirurgie? Est-ce que vous avez déjà changé les vêtements? Est-ce que vous avez déjà changé? Vous avez laissé pousser la barbe? Un relooking. Est-ce que Jim Sander a mis des lunettes un peu comme François Hollande? Ouais. C'est le seul mec de 30 balais qui a les mêmes lunettes que François Hollande. Guillaume, c'est lui qui m'a recopié. Oh, c'est vrai. Mais c'est il y a 3 ans déjà ou 4 ans que je les avais. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais non, mais pas celle-là là. Ouais, mais celle-là ressemble pas à celle François. Tu les as achetées quand? Celle-là, c'était il y a 2-3 mois. Merci. Alors il a changé aussi. Non, il a des rectangulaires. Il te suit, je crois qu'il est. Il écoute l'émission. Il est fan. Ah ouais. Il va marquer François Hollande du standard. Ah ouais. Il est 22h14, on a raté les 22h09. C'est la blague de JM du standard. JM du standard va nous raconter une blague comme avec chaque soir. Guillaume. On se fera aussi un nouveau jeu qu'on a commencé la semaine dernière. Vous allez être 8 à passer. On va en faire gagner un seul. Je vous poserai une question. Dès que vous avez une mauvaise réponse, vous partez. Et je descends à chaque fois sur le standard, ligne 1, ligne 2, etc. Okay. Jusqu'au dernier qui restera sur le standard. Et on fera aussi le clash de la semaine. L'une d'entre vous qui va énerver sa mère. On le fera juste après sur Énergie, les 22h15. On se fait maintenant, Maître Gims et Jules. Y'a personne dans le quartier. J'avais dit qu'on l'écouterait depuis tout à l'heure, donc on se le calme maintenant. S'il y a un morceau qui vous donne envie d'écouter après celui-là, vous me le dites, hein, parce que j'ai vu le SMS là. Guillaume, au début du texto, essayez, vous allez voir. Franchement, essayez. Et si je le lis pas, je suis un enculé. Voilà, non, mais c'est vrai, Guillaume, au début du SMS, un espace et votre message au 6-11-12. Je le lis sur Énergie après le morceau. Merde, j'écoute. Mais je suis débile, putain. En fait, je vous explique, on a changé de table de mixage et en fait, j'avais un repère avec mon pouce. Et en fait, il y a une ligne en plus. Et du coup, en fait, j'ai coupé le mauvais morceau, j'ai envoyé le truc. Et bon, on met le morceau. Voilà, on se met Maître Gims et Jules sur Énergie Boucan. Et le message tient toujours. Hein. Guillaume, et votre message aussi sont sur Énergie. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi pas quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la l'inspire, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est yo, yo, yo. Changer dans votre journée. Absolument tout. De fin de 2h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Avec Fada Freddy, juste après. Un vendredi soir, bon courage si vous êtes sur la route en ce moment, si vous allez au restaurant en famille, si vous revenez du resto. Bon courage à tout le monde si vous sortez entre poteaux aussi. C'est Guillaume, hein, Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. On se fait un juste prix, je vous file des. On a des bracelets électroniques, des bracelets connectés là. Fitbit qui déchire. Franchement, c'est énorme. Je vais vous enfiler tout à l'heure là. Tu peux nous expliquer ce que c'est que des bracelets connectés Fitbit, vous faites des cadeaux? Ouais, c'est en fait des bracelets pour faire du sport, ça suit ton rythme cardiaque et ça aussi suit ton sommeil. Ah. Voir si tu te réveilles à des heures. Et tu ronfles aussi ou pas? Non, tu mets sur ton ordi et ça te fait un truc, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça coûte cher en plus, hein, ces conneries. Ouais, ça coûte hyper cher. Ah non, on dirait ça fait merdique comme ça, mais ça coûte centaines d'euros là. Et tu peux aussi gérer tes appels téléphoniques. Voilà, ça veut dire quoi, tu gères tes appels téléphoniques? Bah, tu peux répondre ou alors. Je suis en train de gérer mon appel. Ça veut dire quoi, tu réponds? Non, mais ça s'affiche sur ton écran de montre en fait. Et donc, ah ouais. Tu peux répondre. Ah, c'est lié au téléphone. Ouais, c'est un peu comme une Apple Watch quoi. Ouais, un peu. Oui, ouais. Comme une mais c'est Apple. Plus pour le sport. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Faut faire du sport. Qui est sur la technologie urbaine. Juste. J'aime juste. William. Il a une énorme blague apparemment. Ah oui. Il va nous la raconter. Ouais. On se le fait juste après. Il y a 30 secondes de but. On est en direct vendredi soir maintenant. Jusqu'à minuit sur Énergie. 5. Manu double votre salaire. Lucie de la Guerche sur le bois dans le Cher. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et bim. Et voilà Lucie, c'est fait. Oh super, merci, c'est super.

to run, run, run, run, run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. To breathe. Everybody's always in a hurry. Qu'est-ce que deux heures peuvent changer dans votre journée? Absolument tout. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour, on va se faire juste après notre nouveau jeu. On va se faire, il ne doit en rester qu'un. Je vais en prendre 8 d'entre vous sur Énergie. On est ensemble jusqu'à minuit, 22h à minuit, les mecs. Bon courage si vous êtes en mode sortie ce soir. On se fera Fade à Freddy. La nouveauté là. On se calera tout seul. Je m'appelle Thibaut. Thibaut Hernandez. Je suis dans la. Dans l'armée. Depuis maintenant 3 ans. Tout le monde est mort autour de moi. Je suis seul dans un champ. Il n'y a plus que un gars qui bouge là-bas. Comment tu t'appelles? Pablo. Pablo. Pablo? Si. Donne-moi la main, Pablo. À la mano. De Pablo. Donne-moi l'autre main. L'autre main. Ah, attends, j'y arrive pas. Je m'appelle Gaspard et je suis trop moche. J'ai ma et j'ai mais j'ai pas compris. Il manque des mots là. C'est Guillaume et votre message aussi. Sans doute, on se fait la blague de JM du standard. Ah oui. On vous appelle. Est-ce que vous avez déjà eu pareil des astuces pour plaire un peu plus aux filles ou aux mecs? Est-ce que vous avez déjà trouvé un truc genre vous êtes mis du gel pour séduire, pour essayer de séduire? Est-ce que vous êtes déjà vous avez brossé votre moustache? Une épilation. Est-ce que vous avez mis un peu de j'ai pas du une bronzage. Ouais, une, un nouveau parfum. Est-ce que voilà. Comment vous avez séduit les filles? C'est intéressant ou les mecs? On va en parler après. Guillaume et votre texto aussi 612 là. JM du standard. Ouais, Guillaume. Tu veux toujours pas de mes couilles? C'est vrai que du 53. Toujours pas, ça va. On va t'écouter. C'est la vanne de, c'est la blague de JM du standard. La blague de JM du standard, c'est tous les soirs à 22h09. Alors là, on est un peu en retard, mais. Allez bien ou pas? Ouais, franchement. C'est vrai. Il m'a dit. Alors, j'ai senti en plus tout à l'heure dans la voix de JM du standard qu'il avait un missile. Ah. Je le sens. Bah, écoute, et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il me dit qu'il a un missile, c'est de la merde. Non, mais et à chaque fois qu'il me dit ça va, c'est vraiment drôle. Donc. Ça va être de la merde. Là, j'ai fouillé. Non, franchement, elle est vraiment. Franchement, j'ai fouillé. C'est une nouvelle, ouais. Ouais. Ah, très bien. Eh ben, écoute, tu sais quoi? On t'écoute quand tu veux. Allez, c'est trois pères de famille qui parlent entre eux, tu vois, en attendant un de leurs potes. Le premier dit: mon fils unique a tellement réussi dans l'immobilier qu'il a offert une maison avec piscine à un très bon pote à lui. Le deuxième, il fait: eh ben moi, mon petit dernier, il a tellement bien réussi dans la bourse qu'il a offert plein d'actions à un de ses meilleurs potes. Et là, le troisième, il dit: ben moi, mon fils aîné, il a tellement bien réussi dans l'automobile qu'il a offert une Ferrari jaune à un de ses meilleurs potes. Le quatrième, il arrive et les trois autres, il lui demande alors ce que fait son fils. Et là, le quatrième, il répond, il fait: ben mon fils, il est escort boy, il couche avec plein de garçons, mais il doit pas être si mauvais que ça dans son travail parce qu'il y a pas longtemps, on lui a offert une maison avec piscine, plein d'actions et une Ferrari jaune. Ah, elle est bien. Alors écoutez, je vais arrêter parce que on va croire que c'est moi qui casse les blagues. J'ai un stagiaire. Non mais vraiment, ça bah, manque. Je crois que je l'ai comprise la blague, mais ouf, pas ouf en fait. La chute, j'ai pas trop aimé. Ouais. J'ai aimé. Flo des cadeaux. Non, t'as forcé de ouf la fin. Ah ouais, on est d'accord. Ah ouais, même ton micro il a saturé. Je suis le chasseur. T'es là. Ça va être toi. Je vais finir ma soirée. Oh là là, c'était pas bon pour Jimmy Sanda. Je vais te dire un truc pourquoi c'était pas bon. Parce que je l'ai vu venir. Quand t'as commencé à dire la truc, on a compris quoi. Non, elle est pourrie. Franchement, elle est pourrie. Attendez, parce que là, ils vont encore dire Guillaume et acharnement. Ah non, je hashtag, dirais. Hashtag amalgame. JM égale blague pas drôle. Non. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a rien du tout. Hein. C'est pas du tout du racisme anti-JM. C'est juste que JM du standard, là, pour cette blague-là, il a été un petit peu faible. Parce que. Ouais, moi, je suis déçu. Parce que, en fait, la chute, quand tu la comprends 10 secondes avant. Et bah tu rigoles pas à la fin quoi. Ouais. Et moi quand t'as commencé à dire il a reçu des cadeaux, j'ai compris direct. Pas moi. Ah tu vois, il a pas compris. Non mais déjà s'il a compris la blague, c'est-à-dire qu'elle était trop facile. Flo des cadeaux. Même toi si t'as forcé autant la fin, tu savais que c'était un peu. Tu forces tout le temps les faits. Non, c'est vrai que là t'as fait sauter ton micro. C'est vrai que voilà, ils ont peut-être changé les traitements de son de merde là. Bonsoir à toi Guillaume, j'ai reçu un papier pour un colis, ça doit être le drone DJI Phantom que j'ai gagné dans ton émission, je t'enverrai une photo. Salut Mika, bah ouais, salut, génial. Mika, ouais. Salut. Putain, tu vas kiffer poteau. Hein. Moi je me suis fait percer les oreilles, changer de coupe de cheveux, de style et de vêtements. Très bien, on va en parler. Hein. Est-ce que tu fais le jeu du caster de la télé-réalité? Putain, on a même pas eu le temps de le faire hier. Hier soir. Ouais. Salut Enzo du 6-4 là. Salut Enzo. Ah non, c'est que les jeux, c'est que le jour J. Et si on n'a pas le temps de les faire, on les fait la semaine suivante, mais c'est vrai que c'est très rare et c'est la première fois que ça nous arrive, excusez-nous, on a tellement rigolé hier qu'on a même pas eu le temps de faire le jeu. On reporte. Il y a eu tellement d'appels et tout ça. Mais ouais, jeudi prochain, promis, hein, je m'engage vraiment, on le fait jeudi prochain. Non, on va pas sauter deux semaines d'un jeu. Non, là, vraiment, faut poser ses boules sur le jeu. Donc, t'avais trouvé des trucs pour plaire plus Sophie, j'ai un stagiaire. Ouais. T'es resté 5 ans sans avoir de relations sexuelles, etc. Mais j'ai quand même changé un peu. T'es arrivé pour la première fois depuis 5 ans ce week-end. Ouais, effectivement. Est-ce que t'as changé quelque chose pour essayer de draguer un peu plus? Bah, deux choses. J'ai arrêté les couleurs un peu fluo parce que je mettais beaucoup de jaune fluo, d'orange fluo, du vert fluo. Je les ai encore à la maison, les fringues. Changer notre... Bah parce qu'un jour on m'a fait une réflexion, une fille que je voulais pécho, que j'ai pas pécho, qui m'a dit ouais on dirait c'est n'importe quoi, elle a trop de couleurs, tu fais mal aux yeux. Ouais. Là je fais merde, je me suis regardé, je fais ouais c'est vrai que ma garde-robe on va dire c'est un peu spécial tu vois. Ouais, il a fallu, parce qu'en fait il m'a dit toujours pour vous expliquer des suites et capuches bleues, les baskets, mais vraiment des couleurs comme il dit, hein, ça fait mal aux yeux. C'est fluo et du coup je me suis mis en mode blanc, noir, gris, bleu, normal tu vois. Ouais. Comme tout le monde lambda et puis. Tu t'es habillé un peu plus sobre. Et puis les filles elles préfèrent, hein. Quand tu parles avec elles, c'est sûr qu'avoir une casquette jaune fluo. Non mais c'est vrai, c'était un peu ridicule sur le moment. C'est tic-tac à mort. Un peu la barbe aussi. Ah, la barbe un peu, t'as ça essayé de. Ça fait deux pousser, ans que j'ai la barbe et on me dit que ça me va bien donc je la garde. Ouais, tu laisses pousser, on me dit donc j'ai confiance en On me dit. Ouais, bah après je veux mais pas mais t'as raison, Je sais pas si c'est vrai. Non, mais carrément. Attends, voilà. Attends. Y'a que ça donc. Si jamais. Je le garde. Hein. Si jamais tu rencontres des meufs qui te disent que ça te va bien en général, ça te. Ah, c'est un compliment donc ça rassure. T'as envie de le garder. C'est flatteur. Julia qui est avec nous là le soir maintenant, il y a un truc que tu fais pour plaire plus. Bah. En fait, moi, quand j'avais 15 ans, je faisais du judo en compétition et je faisais du renforcement musculaire. Ouais. J'avais des muscles, vraiment des bras de bonhomme, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai dû arrêter la compétition et arrêter le renforcement musculaire parce que je ressemblais trop à un camionneur, quoi. Et donc, ça a été mon changement physique un petit peu. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as essayé de t'amincir. Ouais, de m'affiner, ouais. Ouais. Et tu étais épaisse à quel niveau? Genre des cuisses et tout ça? Des cuisses et des bras et des épaules surtout. Ouais. C'est les épaules et tout, c'était pas très féminin. Parce que tu faisais du judo. Mais c'est comme les nageuses un peu. Les sportives, même Oresmo. Manodou, elle est. Manodou, elle est carrée. Mais Manodou, ça va encore hein, quand même. Hein. Elle est belle, mais elle est carrée. Hein. Elle est grande encore. En fait, c'est qu'elle est. Mais franchement, ça me choque moins que Oresmo. Ouais. En fait, Oresmo, le problème, c'est que. C'est la mâchoire. C'est ça, ouais, c'est pas un problème, c'est juste qu'elle a une mâchoire un peu. Imposante. Un peu plus large. Si tu l'embrasses, imagine. Ouais, c'est pas grave après. Hein, non, mais elle est très jolie. Hein. Mais elle aime les femmes, non, Moresmo, non? Elle est mariée, elle a un enfant. Elle avait dit, hein, elle est mariée avec une femme. Ouais. D'accord. Elle a couché, non, mais j'en sais rien, elle peut se marier avec un bonhomme et puis divorcer, si elle veut, après changer de. C'est possible, là, oui. D'envie sexuelle. Hein. Ouais. C'est comme toi, je vais s'agir un jour, t'as envie d'un. J'ai envie de quoi? D'une nanette et d'un aîné le lendemain. Non, non, que. T'as envie de téter le lendemain et. N'importe quoi. Non. Un gros bisou à vous, en ma voiture, avec ma famille. Et vous kiffe, garçon, te regarde sur TPMP. Salut, Steven du 7K, sympa. Salut, salut Steven. Salut. Merci beaucoup, hein. Guillaume et votre petite dédicace. Je vous ai promis que je ferais des dédicaces. Et ben je vais les faire. Alors, je vais les lire maintenant. On se fait juste 21 Pilot. Tu pourrais m'écouter aussi. On se fait Ride. On va retrouver Bastien qui a changé de style. Tu bouges pas, Bastien. Claudia non plus. Vous bougez pas, les copains. Ouais. Je vous veux passer à l'antenne juste après. Hein. Guillaume et votre texto au 612. Enfin, une petite dédicace et je vais les lire à l'antenne sur Énergie maintenant. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Deux choses à retenir. 22h. Du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Voilà, donc un partout. Voilà, PSG, c'est bientôt fini. Voilà, on se tient au courant du score. Ouais. Des gros bisous à ma collègue Sophie avec qui je stérilise les instruments de chirurgie de la part de Lily. Bisous les filles. Salut. Dédicace à Wayne, Chloé et ma maman. J'ai promis de lire les petites dédicaces qui étaient arrivées. Voilà, je suis pas un enculé, j'ai promis de le faire, je le fais. Je m'appelle Gaspard, je suis trop moche. Je ne m'aime pas. Bonsoir à toi. Bon courage. Gros bisous, mon Gaspard. Hein, salut à toi. Moi, j'ai pris 40 kilos suite à une dépression. Maintenant, je fais des démarches pour me faire opérer pour mon surpoids. Un jour, une fille est venue me voir et m'a dit si t'étais blond aux yeux bleus je sortirais bien avec toi. Je suis brun avec les yeux bruns. Bon, c'est nul. Encore aujourd'hui ça. J'ai pas compris sa démarche. Salut Loïc du 68. Salut hyper efficace, faire de la kettlebell. Ah oui, du kettlebell aussi. Ouais, c'est le poids russe et de la corde à sauter. Abdos assurés et une bonne alimentation. Salut Olivier du 6-2 là. Ouais, sec, hein. Tu sais le kettlebell Non. Bah tape kettlebell, ouais, j'ai ouais. Le meilleur moyen d'être en forme pour tout le monde. Ah, et tu vois à quoi ça ressemble ou pas? Je suis en train de regarder là. C'est de la muscu. C'est les poids en fait. Ah, mais oui, c'est mais pas oui. Tu soulèves là avec la hanse en fait. Ils font ça dans le crossfit aussi. C'est un poids que tu soulèves avec une. C'est comme une tasse en fait, à une hanse sur le poids quoi. Moi je ne m'assume pas à cause de mon poids, mais je me trouve en sous-poids. Salut à toi, bisous à tous les deux. Salut. Si y a un jeu, je veux bien, bah, y a pas de problème, j'ai noté ton numéro. Non, ma chérie, je t'aime, veux-tu me faire un enfant, Nané? Salut Nané. Salut. Du livreur de poussins en Bretagne. Et big up au routier, salut livreur de poussins. Salut. Je m'appelle Gaspard. Justement, moi je suis complètement déprimé, je suis moche, dégueulasse, je ne suis jamais sorti avec quelqu'un, je pense vraiment faire une gueule. Bah non, attends. Non, dis pas ça. Laisse ton numéro si on t'appelle. Hein. Ouais. Bonsoir à toi Greg Light Pitbull. Salut à toi Perfect Illusion de Lady Gaga. J'aimerais trop l'écouter. J'ai reçu un papier pour le colis. Ça je l'avais lu tout à l'heure. Tu fais le jeu du caster de Tarité. Non, on avait dit qu'on le ferait jeudi prochain, un poteau. Un homme debout, j'aimerais écouter, de Claudio Capéo. Moi, je voudrais énerver ma mère. Dédicace aux pêcheurs, bon week-end. Bon week-end. Un gros bisou à vous en voiture, avec ma famille, on vous kiffe, mes garçons, citoyens, salut à vous. Les mecs, merci beaucoup. Hein. Voilà, je lis toutes les dédicaces. Hein. Dédicace à la prison de Mont-de-Marsan. Signé Julien, passe le message, s'il te plaît, Guillaume, mais il n'y a pas de problème, ce qui est fait. Vous êtes les meilleurs, continue, salut Victor aussi. Le mec, il doit nager là où il a pied. Tu pourrais mettre la parodie de Gaspard. Balthazar, c'est quoi ça? Salut Nino. Pas le macho, ça, je crois. Ouais. Gaspard et Balthazar. Ouais, je sais pas. Appelle-moi, je suis Emma à qui tu as parlé sur Facebook. Je me suis fait opérer hier. C'est pas moi qui t'ai parlé, ma petite chérie. Ouais, c'était un fake. Si c'est pas sur ma page, c'est que c'est pas moi qui t'ai parlé. Hein. Big up au tractionnaire qui roule pour Lactalis. Bon courage à vous. Salut Livier. Salut. Bonsoir à toi. Démarre avec du escrou. Salut à toi aussi. Tu pourrais mettre la parodie de Gaspard. Dédicace. Vous allez pas faire le poisson sur TPMP. Déçu que vous ayez pas fait. On le fera lundi. Ah, ouais. Lundi, il y a un invité surprise énorme aussi. Hein, ah ouais. Qui sera là lundi. Et donc on le fera. Il y aura Michel Larocque aussi. On va le faire sur le plateau TPMP, je vais ouvrir une boîte de surstromming en direct lundi soir. Ça va être drôle. Ça va, Guigui de la régie? Ouais, ça va, nickel. On va parler de comment séduire et les efforts qu'on fait pour draguer les mecs et les filles et comment on fait pour séduire, etc. Guigui de la régie nous fait deux fois par semaine à chaque fois les sons les plus marrants qu'il a trouvé sur internet et tout ça. C'est ça. D'ailleurs, le ronflement, je l'ai passé dans TPMP. Ouais, j'ai vu ça. Ah, tu l'as vu? J'ai vu, ouais. Ça a bien marché d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça. Très très belle vidéo. C'est Guigui de la régie qui me fournit aussi pour TPMP. Dans le top blues. Ah, très bien. Bon, alors qu'est-ce que tu fais, tiens, Guigui de la régie? C'est celui qui nous cherche les sons en fait la journée, Guigui de la régie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi pour séduire un peu les filles? Quel effort tu essayes de faire? Un effort? Bah, ouais. Pas grand chose, j'essaye de marcher au feeling, c'est tout. Non, mais est-ce que physiquement, genre, physiquement, ça t'est arrivé, etc. Ouais. Juste, j'ai été au coiffeur pour une fille, mais au final, ça a rien donné. Donc, ouais. Ouais, non, c'était ridicule. D'accord, ouais. Ouais, c'est ouais. Non, mais t'as pas essayé de perdre du poids, tu disais. Ah non, franchement, perdre du poids, non, jamais. Non, à chaque fois, j'ai voulu y aller nature, il n'y a pas de. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, à chaque fois, ouais. Tu t'es pas dit, je maigris pour les femmes? Non. Ah ouais, déjà, ouais. Je maigris pour moi, c'est déjà pas mal. Non, c'est vrai. En vrai, ça serait pas ça, moi. Ah, si, non, ça, mais, moi, faut être égoïste. Non, parce qu'en vrai, oui, mais en vrai, moi, si j'essaie de faire du sport aussi, c'est pour que les filles me trouvent beau. Quand je rencontre. Non, mais en vrai, c'est pour qu'ils soient bien aussi. Non, mais oui, en plus, mais c'est de la séduction. Non, mais au-delà de ça, parce que t'es mieux dans ta peau quand tu te sens bien physiquement et que tu sais que tu vas plus plaire. T'es un charmeur après. Alors, Guigui de la régie, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est jeudi, mais bon, on n'a pas eu le temps hier, on n'a pas fait le jour, rien fait. Je suis venu, j'ai vaincu, j'ai rien fait. Alors aujourd'hui, non seulement. Ah ouais, putain, il y a aussi la Corée, putain. Ouais. C'est la fête nationale en Corée. Ouais, aujourd'hui. Voilà. Et ben, vous savez quoi, on a récupéré. C'est toi, Guigui de la régie, qui a trouvé. C'est ça. Alors, c'est pas du tout dans sa chronique. C'est pas du tout ça. Non, mais c'est un truc de fou. C'est Guigui de la régie m'a récupéré le top 10 des morceaux qui passent sur les radios communistes de Corée du Nord. C'est ça. Ouais. Vous allez fermer les yeux, on va voyager. Ah ouais, c'est dingue. Ça doit être sympa. C'est assez pour marrant. Une fois qu'on peut y aller là-bas. Bah, c'est pas très funky. Hein. Bah, c'est la Corée du Nord. Ouais. Attends, ça j'ai. Attends. Dans ma banque de son, j'ai plein de trucs. C'est des vrais morceaux. Hein. Non, mais attention, c'est pas du tout une couille. Hein. Déjà, on écoute l'hymne de Corée du Nord. Ils ont fait un essai nucléaire, je crois, ce matin. Ouais. Un peu chier. Ils font peur. Hein. Ouais, c'est ça, ils font peur à tout le monde. Moi, c'est dingue, mais je rêve d'aller visiter la Corée du Nord. Mais tu peux y aller, hein. Imagine, t'es le seul à pouvoir aller. J'aimerais bien parce que tu te dis, c'est complètement fermé, c'est interdit d'y aller. Mais non. Julia, tu sais qu'il y a des voyages organisés en Corée du Nord qui sont totalement propagandés, ouais, organisés, j'ai envie de dire, dans des faux villages. C'est la technique du lupus. Non, mais en vrai, ouais, c'est dans des faux villages avec des figurants, des acteurs et tout, pour faire croire que c'est un pays normal. Je trouve ça dingue. Ouais. Mais il y a des hôtels là-bas. Je regarde pas les reportages sur M6 le dimanche soir, j'aime du standard. Si, un peu, mais celui-là, non. En replay, parce qu'on était là le dimanche. Maintenant, on peut le. Ouais. Bon, quand on est là le vendredi, c'est bien mieux. Enfin, c'est bien mieux, c'est différent, mais comme ça, on est là du lundi au vendredi. Pour ceux qui nous demandaient depuis longtemps d'être là le vendredi, comme ça, on avait demandé aussi d'être là. Et par contre, ils nous ont sucré le dimanche, quoi. Voilà, c'était là. Mais bon, un jour, on aura le dimanche et le vendredi, on espère. Et le samedi aussi. Et le matin. Et le morning, évidemment. Bon, alors, juste écoutez déjà l'hymne de la Corée du Nord. C'est un hymne comme un autre. Ouais, c'est un pays après. Mais c'est pas Guillaume, j'ai un stagiaire, c'est le genre de mec qui aime quand les pets de fouf sentent la pisse. Salut à toi. Pourquoi il dit ça? Salut à toi. Mais jamais de la vie, non? Guillaume abuse, la pub a duré trop longtemps. Frérot, tu crois que c'est moi qui la règle la pub? Moi j'appuie sur un bouton rouge et puis après j'attends comme un con derrière mon micro, je que ça se rallume. Elle va engueuler le patron d'énergie qui met trop de pubs, mais c'est vraiment moi. Attends, je vais me faire engueuler en plus. Je vous écoute depuis 2 ans. Salut mon Enzo du 7-4. Salut frère. Salut. Alors, attention, une musique qui passe sur les radios. Un hit coréen. Ouais, voilà. Alors, attends, j'ai le 1, 2, 3, 4. J'ai le top 5 des radios en ce moment. Mais je crois qu'il n'y a que 2 radios. Je crois qu'il n'y a que 2 radios nationales, il n'y a pas de radio privée. Ouais, c'est l'État qui. Et c'est 2 radios propagandistes. Voilà, ils font que de la. C'est dingue hein, ça. Il n'y a pas d'émission comme ça. T'imagines, c'est-à-dire que t'es chez toi, t'as pas internet, t'as pas le droit d'avoir le net. C'est dingue, ils vivent encore. Kim Jong 2.0, il n'y a pas. Flot des cadeaux. Si, ils ont leur propre internet et ils viennent de lancer un Netflix nord-coréen. C'est pas vrai. Avec que des programmes choisis par l'État. Ah ouais, donc ça doit être. Ils sont dans leur bulle, les mecs. Il ne doit pas y avoir des films de fous. Non, ça doit pas être. Il n'y a pas Walking Dead, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas. Ah bah non. Ils sont américains. Ils sont dans leur bulle, ouais. Ils ont pas McDo, tout ça. Bah non. Ah non, alors le jour où tu auras McDo en Corée du Nord. Ils connaissent pas les nuggets. Moi, je me dirais, c'est un piège. Je suis manager, je n'y vais pas. Mais c'est osé quand même. C'est dingue. Alors, attends, bonsoir. Attends, c'est Guillaume, j'ai reçu un papier pour un colis. Ouais, j'ai vu mon pote pour le drone. Hein. Salut à toi, poto. Je voudrais écouter Faritas et Pétas, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Saoul l'assassin. Salut, Saoul. Ouais. J'ai une blog, toc toc toc, qui est là, Angela quoi, Angela bah merci beaucoup. Ça serait pour faire le nouveau jeu avec les 8 personnes. Ah, on va le faire juste après. Ouais. Attends, d'abord numéro 5 en Corée du Nord. Fermez les yeux, vous voyagez en Corée du Nord. On dirait du russe. Non, on dirait une chanson communiste. Ah ouais, communiste plutôt. Ouais. Chanson sans âme, quand même. Ouais, c'est pas... Ils ont pas kiffé en faisant. C'est fou, ils parlent de quoi dans la rue là-bas? Ils disent pas, frérot, tiens, bois l'apéro. Je sais pas, ils ont le droit de. Tiens, frérot, ils le disent pas. Ils ont pas le droit de parler, je crois. C'est vrai? Trop d'amitié. Dans la rue, ils ont pas le droit de parler. Non, c'est pas vrai. Non, je crois. Mais je te crois pas. Il y avait une fille qui avait fait ça. Ouais, trop. Non, mais c'est trop bizarre. Ils vivent dans la peur, c'est ouf. Est-ce qu'ils se disent, il faudrait que je sorte pour aller voir dehors, ils savent même pas ce que c'est dehors? Non, quand même pas. Non, mais. Pour manger, faire les courses. Il n'y a pas internet, ils savent pas ce que c'est à l'étranger, je suis sûr qu'ils savent pas ce que c'est. Ils peuvent pas partir en voyage alors. Bah non, ils ont pas le droit de sortir. Et les sportifs au JO, comment ils ont fait alors? Bah il n'y a que les sportifs au JO. Il y avait des Coréens du Nord là-bas. C'est les seuls qui ont le droit de sortir. Tu voyais leur visage. De quoi faut des cadeaux? Quand ils perdaient, tu voyais qu'ils faisaient une tête bizarre, à mon avis, ils devaient se faire. Mais non. Ah, c'est possible. Ils doivent leur mettre la pression pour dire tu représentes la Corée du Nord, tu vas faire briller. Ah si, je pense que. Ah ouais, bon, super. Tu dois te prendre un coup de fouet si tu rentres. Bel esprit. Qu'il y a, c'est vrai, dans la rue, parce que est-ce qu'ils se disent bois l'apéro, est-ce qu'ils ont le droit de boire de l'alcool, est-ce qu'ils. Non, je crois pas. Tu vois, non, ils font quoi de leur vie? C'est-à-dire que toute leur vie, ils mangent, ils repartent, il n'y a pas. Ils peuvent se marier, tu penses? Ouais, Il faut bien qu'ils fassent des gosses. Ça je pense que c'est contraire. Par contre, ils doivent forcer pour que tu te maries et que tu fasses des gosses, quoi. Il y a des restos quand même. Pour grossir. Attends, numéro 4. Ouais. Putain, ça fait peur. Ça fait limite peur, quoi. Ça fait un peu les mêmes. Hein. Ouais, numéro 3. Oh là, on se voit dans les années 40. Hein. Non, 60. 50. C'est l'armée qui chante là. Ouais. Ça fait un peu chant militaire. Y a pas de chanteur comme chez nous. C'est fou. Hein. J'imagine les radios, y a que ça toute la journée. Ah, c'est chier, ça t'écoute pas. Avec un message pour l'État entre les deux là. Attends, numéro 2. Ah, Christophe May local. Et où le bonheur? En Corée du Nord. Ah non. Non. Ah, ça met mal à l'aise un peu, je trouve. Ouais. Attends, et le numéro 1 sont ceux qui passent le plus sur les radios coréennes du Nord Corée. Enfin, de Nord Nord-Coréenne. Corée du Nord, ouais. C'est dingue, il n'y a pas un chanteur tout seul. Ou une meuf. En fait, je pense que tu n'as pas le droit de devenir une star là-bas. Ouais. Enfin, tu peux pas devenir une star parce que c'est dans ce cas, tu deviens connu et il va dire à Kim Jong-un, il va dire eh, frérot, c'est moi la star ici. Ah bah ouais. Il est chaud, les sportifs pourtant. Et les sportifs, ouais, mais bon. Mais ils sont pas bons. Je pense que si tu deviens une star là-bas, tu vis pas longtemps. Hein. Attends, il y en a une autre. Ah ouais, la musique de l'armée. C'est comme les autres avant. Putain. Ah, t'entends plus l'armée là. Ouais. On dirait les chants de l'armée rouge un peu là. Salut Guillaume, je bosse à Euroglass, usine de verre, le four tape à 1600 degrés devant moi, j'écoute Guillaume Radio 2.0, votre soirée les gars. Salut Rémi. Salut Rémi. Salut man. Les gars, ça vous trois, salut à toi. Et bon, salut Nils. Putain, je bosse à Euroglass, tu m'as. Salut Guillaume. Suce mes couilles Jean-Marc, s'il te plaît. Tu me donnes la couille avec tes vannes. Salut du 53, mort de rire, je t'aime, JM 18 sur 20. Merci. Par rapport à la blague d'avant. Ça fait peur. Ah ouais, ça fait flipper. Ouais. Voilà, c'était, on voulait faire un petit point Corée du Nord. Dis, la région fait quoi alors? Parce que d'habitude, tu nous fais écouter les sons sur internet. Là, tu nous fais une année, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une question. Ah, tu nous fais quoi alors? Là, c'est l'année 1980. Ah, parce qu'on avait fait 1980. C'est ça. Et à chaque fois, on va se rapprocher, on va faire toutes vos années de naissance comme ça. Ouais, carrément. Vas-y. Et là, du coup, en fait, il y a deux grands chanteurs en fait qui sont partis en 1981. Deux grands chanteurs? Deux grands chanteurs. Ah, ils sont partis en 1981. Et ils sont partis. C'est le gros voyage, le gros voyage. Ça, c'est vraiment une expression de. Ils sont partis, quoi. ils sont morts. Ils sont décédés. Ils sont partis. Et du coup, le premier, c'était c'est Charles Brassens. Ils ont abandonné. Il avait 60 ans. Et c'était quand même un grand chanteur français. Ah ouais. Son capitaine et ses matelots. Putain, c'est bien, on apprend des nouveaux morceaux. Les enfants de salauds. T'as dit Charles Brassens. Non, Georges. Non, t'as marqué Charles Brassens là. C'est pas Charles Brassens. Ah non, c'est Georges. C'est sûr et certain. Il y a plus de respect pour les chanteurs. Attends, et t'as vu, et c'est pour ça que j'ai dit on apprend un nouveau chanteur. Parce que je me suis dit, il y a peut-être un frère. Je voulais pas passer pour un con. Qu'est-ce qu'il y a chez son art? C'est pas le bon. Ah ouais, c'est pour ça. Et je me suis dit, attends, peut-être que je connais pas. Il avait un frère qui est mort en 1991. C'est pour ça que j'ai dit on apprend un nouveau chanteur. Et je me suis dit, il a exactement la même voix, c'est pour ça. Bah ouais, non, mais j'étais persuadé qu'il s'appelait Charles. D'accord. Charles, c'est De Gaulle. Non, mais c'est pas là. Ou Charles Trenet, ouais. Alors, t'as quoi d'autre? Vas-y, passons. Comme ça, on oublie. Le deuxième, du coup, c'est Bob Marley. Il avait que 36 ans. Ah, il est mort en 80? Ouais, en 80. En 1980, il y avait quoi d'autre? Du coup, après, 1980, il y avait l'élection présidentielle qui a été remportée par François Mitterrand. Ouais. Et du coup, il y avait aussi Coluche qui avait participé à la présidentielle. Ah oui, il voulait se faire élire. Voilà. Même s'il n'a pas forcément, on va dire, terminé sa campagne électorale, il a quand même participé. Quoi. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas de la République, il ne saurait pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux. Maintenant, elle va être pliée en quatre. La vieille vanne, quoi. Non, c'est marrant, sa vieille l'humour. Il aurait dû voir. C'est ça, c'est dingue. Hein, parce que maintenant, on rigole plus du tout, même vanne. Mais Coluche. Non, mais c'est, en fait, tu te rends compte que l'humour, il est en fonction de ton âge. C'est-à-dire que. Là, ouais. Une blague de JM du Tonnerre qui vous fait pas rire, on s'entend, il ferait tout ça pas rire. C'est pas un rendez-vous, mais j'en fous que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et JM du Standard, une bonne blague de JM du Standard, dans 20 ans, il vous fera plus rien. Non, mais parce que les années passent. Hein, ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, Guigui, la rage, qu'est-ce que ça d'autre? Et du coup, pour après la pub. J'avais pas vu. On se fait le clash de la semaine qui arrive et le jeu, il ne restera qu'un après sur Énergie. J'ai trop hâte de les voir. Guillaume Radio 2.0, le vendredi soir, 22h30. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec Énergie, it's music only. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire, Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Papa, je te vois. Quoi? Je goûte. C'est un secret de mousse la laitière que j'ai acheté en promo chez Leclerc. Et c'est bon? Oh, si c'est bon. Chocolat au lait ou chocolat noir. Et avec en plus 40% de réduction immédiate. C'est parce que la gourmandise se partage en famille que du 6 au 17 septembre chez Leclerc, le pack de 8 secrets de mousse la laitière format familial de 472 grammes, plusieurs variétés au choix origine France avec 40% de réduction immédiate est à 1,13€, soit 2,39€ le kilo après réduction. Bon, modalité en magasin. C'est trop bon. Je sais. Pour votre santé, bougez plus. Du lundi au vendredi, à 19h05 sur Chéri 25, une famille dans le besoin. Clairement, on ne sait pas demain si on aura un toit sur la tête. Mais t'es dit, jamais je ferais subir ça à mes enfants. Des centaines de personnes pour lui venir en aide. Vous avez du cœur, Léon Savoyard ! Voici donc la maison. Ça part en lambeaux, mais de partout. Solidarité. Allez, chaîne humaine, les gars ! Partage. Allez, c'est parti, les gars ! Bienveillance. Bienvenue dans votre maison. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi, à 19h05 sur Chéri 25. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cette semaine, Télérama fête la rentrée culturelle. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction. En couverture, Marion Cotillard, star de l'automne cinéma. Mais il n'y a pas qu'elle. Dans nos pages, tous les artistes et hommes et femmes de médias grâce auxquels la rentrée culturelle s'annonce vraiment excitante. Télérama, chaque mercredi, chez votre marchand de journaux. Leclerc. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le multicuiseur Thomson 5 litres, 8 programmes pour cuire, préparer, rissoler à 49 euros chez Leclerc. Du 6 au 17 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le multicuiseur Thomson avec 20 euros de réduction. 49 au lieu de 69 euros, dont 60 centimes d'éco-participation. Un multicuiseur comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Énergie, hit music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des Zéniths, partout en France, dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé, en concert. Dans un monde meilleur. Un événement énergie. Hit music only. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Notez bien, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne soirée, 22h minuit, on est en direct, bonne soirée, bon courage. Et si vous partez en mode voiture et tout, faites gaffe avec l'alcool. Il y a beaucoup de messages souvent, qui un message perdu, bon, le pote et tout ça, le week-end quand on vient le lundi. Donc voilà, faites gaffe quand même, petit bisou. Si vous êtes sur la route entre poteaux, salut à Julia avec les routiers. Est-ce que la Julia, attends, qu'est-ce qu'elle a, Julia avec les routiers? Ah, salut à la team des Tauzes, salut man. Salut. Sus mes couilles Jean-Marc, ça c'est pour JM du standard. C'est Cédric du 53. Salut à toi, dédicace à Jo Janoticave. Salut. Salut, dédicace à Nathanaël du 83. Tu joues à Pokémon Go et si tu joues, t'es à quel niveau? Dédicace à Sa Majesté la Reine Nina et Rachou. Salut les filles, merci beaucoup pour les messages. Bien merci. Sûr, dédicace. Et vive Pokémon Go. Et oui, je me segue à Pokémon Go. Dédicace à Ghost 18 et au pilote de Joker 42. Salut à Perrine que j'aime. Salut Théo. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Merci beaucoup. J'aimerais te parler d'une chose qui me chaîne dans la vie. Eh ben, laisse ton numéro de téléphone, c'est ce qui te chaîne. Et sans problème, je te rappellerai direct, mon poteau. Salut au lycée, la Tour Blanche. Xena, tu es magnifique. Salut. Et ben, salut à Xena. Guigui de la régie. Ouais. On faisait l'année 1981. Tu nous faisais écouter les trucs marrants et tout de 1981 ou les trucs qui nous rappelaient l'année. Voilà. On fait tous les. Une fois par semaine, on fait une nouvelle année comme ça. On monte 80, 82, etc. C'est ça, carrément. Là, on écoutait Coluche avant, à l'ancienne. Merci. Je suis venu vous dire solennellement. Ah, t'aurais dû mettre un extrait d'un sketch de Coluche. Ah, ouais. Bah, tu mettras pour 82, je vais en avoir. De toute façon, Ça, c'est. Il est mort en quelle année, lui? 86. Ah, bah, ouais. c'est bon, t'as encore 4 semaines. Bah, ouais, c'est pour ça. Mais, fait une par semaine. Ça, c'est marrant. Ouais, mais tu nous trouves un sketch qui pourrait plus passer à la radio aujourd'hui. Il y en a plein de Coluche. Il le diffuse. Ouais. Ouais, très, très parce que je suis sûr qu'il y a des sketchs. Du coup, il faudrait peut-être pas le diffuser. Ouais. Ah ouais, c'est ça le truc. Non, mais si, mais sous couvert du truc. Non, mais juste pour montrer. Non, mais c'est important même pour la culture de savoir ce que c'est Coluche, de savoir ce que c'est tous ces mecs-là à l'époque. Hein, Les du cœur. Guigui Larrage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah, du coup, là, après, c'était en fin 1981. Il y a un film, en fait, qui a, on va dire, marqué l'époque. C'était La Soupe aux Choux. Tiens, ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une affaire qui est printemps, le bac à l'an actif. Putain, c'est à l'ancienne, ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ce petit cri là, ouais, putain, ouais. C'est marrant, ça, c'est vieux ça aussi. Hein. Et du coup après, j'ai réuni les, on va dire les trois musiques qui sont restées le plus longtemps numéro 1 à l'époque. Ouais. Et en troisième, il y avait Barbara Streisand avec Woman in Love. Putain, ça c'était les morceaux de l'époque. C'est ça. Putain, couscous musical à l'ancienne. Ah, ouais, on n'était pas nés nous. Non. Fait un mix des trois là? Non. T'en as d'autres? Ouais, pas d'autres. Après, il y a Richard Sanderson, c'est celui qui avait fait la musique du film La Boom. Ah ouais, et le premier c'était quoi? Et justement, en fait, il y a deux premiers. Hein, le premier c'est Herbert Léonard avec Pour le plaisir. Oh putain, c'est vieux, qui, ah, ouais, c'est qui énorme. Qui a été écrite par Julien Lepers. Il a écrit les morceaux Julien Lepers. Qui l'invité de jeudi dans TPMB? Parce que je vais venir, je sais pas mon Kylian. Je vais demander avec plaisir. Salut CAF, Malbar, Kalash, Admiraltier, vous, salut les gars. Salut. Bonsoir à toi. Salut dédicace à la seconde 7 du lycée Christophe Colomb de Suzy-en-Brie. Salut man. Moi j'ai jamais trouvé de meuf, je sais pas quoi faire, j'en ai marre d'être seul, on va t'appeler si tu veux. Ah oui, t'inquiète. Bonsoir à toi. Salut Guillaume, c'est la merde dans ma famille. Ma mère s'est fait frapper par mon beau-père. Puis je vais venir en parler. Il faut que tu me laisses ton numéro avec grand plaisir. Ouais. Vous êtes tous les bienvenus. Hein. Le suicide n'est pas une solution, ma frangine s'est suicidée il y a 11 ans. Pour ceux qui restent, c'est terrible. Bisous à vous. Salut Max. Putain, bon courage Max. Gros bisous Max. Attends juste, on finit l'année là. Guigui de la Régie, ouais. Le top 1 c'était quoi le coup? Et du coup l'autre, il y avait celui-là, voilà. Et c'est quoi l'autre? Et l'autre numéro 1, je sais pas si vous connaissez Jean-Jacques Lionel. Ça vous dit un truc ou pas? Non, Jean-Jacques Lionel. Ah. C'est le mec qui a fait la danse des canards. C'est la danse des canards. Il en sortant de la main. Le mec, il s'est jamais fait connaître. Le mec, il a fait un hit de ouf. Pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en son coin. Quelle radio diffusait ça, s'il te plaît, là? Je sais pas. Mais la radio ne pouvait pas diffuser ça. Il y avait Énergie. Énergie, Hit Music Only. C'est la danse des canards. Qui en sortant de la main, se secoue le bas des rames. Et font coin, coin. Et comme les petits canards. Et pour que tout le monde. Tu peux pas faire ça. Non, mais tout le monde achetait. Ouais, tout le monde achetait, en fait. C'est ça, oui. Pour les enfants, quoi. Je pense que c'est une musique de gosse, en fait. Les mariages. Ou de soirée, ouais. Ouais, je t'aime. Bonsoir à toi. Je voudrais écouter. Enfin, salut à tout le monde. J'ai vu les messages, pas de soucis, les gars. Salut à Nico aussi. Bonsoir, Nico. Salut, Nico. Toute l'équipe, je vous écoute tous les soirs après le taf. Ça fout grave la pêche. Bis. Salut, Nico. Salut, salut. Eh ben, merci, bon courage si tu sors, Nico. Merci pour le message. Dédicace à la petite Lulu à la 5e seconde 5 du lycée Saint-Joseph, du collège Saint-Joseph à Lannion. Salut, Mathilde. Salut. Les Nord-Coréens hackers ont des privilèges exceptionnels pour le pays. Ah. Hein, je sais pas, là. Koh-Lanta, c'est de la merde, je préfère t'écouter, Guillaume. Merci, Dominu. Ah, moi, je m'aime bien, mais mon problème, c'est que j'aime pas les filles, sinon j'ai un stagiaire. J'ai un stagiaire, il a menti, il aime les anulingus. Salut. Oh, bah ouais. Bah non, c'est un non, épisode non, non, non, en Corée du Nord, le cannabis est légal. Ouais, ouais, bah comme ça, t'endors le peuple. Hein. Ouais, n'importe quoi. Ouais. Non, mais sérieux. Mais c'est complètement vrai en plus. Hein. Ils kiffent ça. Bah ouais, tu leur donnes. Si tu fais légaliser le truc et que tout le monde fume 20 bédos par jour, ils vont pas être agressifs. Ah, bah ouais. Oh, le pays. Des cas à seconde 5, il y a ma copine Léa Cassini. Ah, mais c'est vrai, James Sandard. Ah, mais c'est vrai. T'as déjà fumé beaucoup? Une période du shit, James Sandard. Ouais, pas beaucoup. Non, non, moi je suis pas un gros fumeur en fait. Parce que dès que je fume un peu, je me couche quoi. Ouais. Ça m'endort. Il se met à quatre pattes, James. Je m'endors. Pardon, j'ai stagiaire. Et il fait le chien. Oula. Non, mais je sais pas. Je sais pas ce que tu fais tes soirées, mais moi je vais pas chier avec mes collègues. Okay. Tu peux faire autre chose au pire, je sais pas. Ouais. Voilà. Le cannabis, vraiment le shit, il est légal en Corée du Nord. Voilà, c'est paradoxal. C'est, c'est dingue, hein, c'est vrai. Hein. Ils sont plus libres sur ça, mais c'est le seul truc sur lequel ils sont plus libres. Ouais. Et l'alcool, je préfère quand même on sait pas, être en France. Hein. Ouais. Trop agréable de vous écouter, Guillaume, t'es une voix agréable. Mais je me sens moche car je suis heureux. Salut à mon pote du Havre, Nico. Bah pourquoi? Tu rigoles ou quoi? Petite dédicace à ma fofolle de sœur Sandra qui est sur la route comme moi. Je t'aime très fort, vite. Qu'on se retrouve à tout à l'heure. Salut à toi. Gros bisous à toi aussi. Salut. Salut l'équipe. Julia, t'es trop mignonne. Alex du 87. Oh, merci. On a mis la photo. T'as vraiment une voix d'une fille défoncée. T'as vraiment la voix d'une fille qui... Fin de soirée. Ah là là, putain. Et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. JM du Standard, on est combien sur la page là? Guillaume Play, P-L-E-Y. Si vous avez deux secondes, venez nous retrouver. 1 951 340, Guillaume. Voilà, merci beaucoup les mecs. Je vous ai mis une photo ce soir, c'est énorme. Vous savez le petit smiley, le petit emoji merde. Ouais. Le petit emoji caca. Et ben, y en a qui ont fait un masque en fait en France. Hein, ouais. Et une marque très connue de jouets qui vend des masques en forme de smiley. Ouais. Et sauf qu'ils l'ont appelé le smiley mousse au chocolat. Ils ont... non, glace au chocolat. Ouais, glace au chocolat. Alors, et du coup, il y en a l'un d'entre vous qui m'a envoyé la photo. Il m'a dit regarde, je suis chez un grand magasin de jouets. Ah. Et va voir et tout ça. Et du coup, on a éclaté là. Je vous ai mis ces deux secondes. C'est énorme. Allez voir, vous êtes putain déjà centaines à avoir partagé la photo et tout. Là, Guillaume Play, PLEY, si vous avez deux secondes, on la met sur le Facebook. On se fait LP, on se l'est pas fait encore LP là. Non, pas encore. Et Sib non plus là. Non plus. Brice, on se le calme maintenant sur Energy. Bonne nuit les gars, il y aura Shakira juste après, Ken Jones, Charlie Puth, le nouveau Snake. On avait dit qu'on écouterait là. Allez, je le prépare, DJ Snake et Justin Bieber, on se le calme juste après d'ailleurs. Don't drown your heart, baby, just wait. Don't drown your heart. Il est 23h06. J'ai besoin de 8 d'entre vous. C'est parti. Pour le Il n'en restera qu'un. Ok. Notez bien. Notez bien. À partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, on est à l'antenne. Nicky Jam, c'est après. Celui-là, c'est Asta El Amanacer. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. On va se l'écouter en entier après. Nicky Jams. D'abord, j'ai besoin de 8 d'entre vous. Je vous explique le principe. On va reprendre tous ceux qui sont standards, là, qui viennent de nous appeler, qui nous ont fait le plaisir de passer un coup de fil pour réagir au sujet hein, ce soir. Là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil de changer un truc chez vous pour essayer de séduire un peu plus les meufs ou les mecs? Et on va prendre 8 d'entre vous. Je vais mettre une musique. Ça va aller très vite. Hein. Je vais mettre une musique comme ça. Et à chaque fois que l'un d'entre vous aura une mauvaise réponse, ça raccrochera instantanément. Le standard est réglé comme ça. Ouais. J'envoie le buzzer, ça coupe. Ah, faut être rapide. Hein. Je vais mettre 8 personnes au standard. Je vais dire question pour le 1, question pour le 2, question pour le 3. Et ensuite, on recommence au 1, enfin à ceux qui restent. Et après, on redescend. Et à chaque fois, et il n'en restera qu'un comme ça du coup. On va se le faire. Il y a juste Bastien et Agathe qui sont là. Vous m'entendez, Bastien et Agathe? C'est qui le papa? Ça va, les amis? Salut! Ça va ou quoi? Tranquille, Bastien, 14 ans de Chambéry dans le 73. La Savoie. Ouais, c'est bien. Je mets une musique pour t'accueillir, Bastien. La classe. Et Agathe aussi, hein, 13 ans, c'est ça de Cherbourg? Oui, c'est ça. Dans le 50 dans la Manche. Salut à tous les Cherbourgeois, représente les mecs. Agathe, 13 ans, toi, qu'est-ce que t'as changé pour essayer de séduire un peu les mecs? Bah en fait on va dire en fait je suis devenue gothique parce qu'il l'était aussi et du coup je suis devenue gothique pour lui plaire et au final on est sortis ensemble. Ouais. Et puis au final on m'a dit que ça m'allait bien, du coup en fait j'ai gardé ce style. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as carrément t'es devenue physiquement gothique aussi quoi, vraiment pas que dans le style musical tout ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté des fringues noires? Bah du coup je m'habillais qu'en noir, mais en fait ça me, enfin petit à petit ça genre je redeviens plus comme avant, mais là toujours je m'habille plutôt sombre et tout. Ouais. Genre je sais pas comment expliquer, genre je me maquillais souvent genre en noir, je mettais du rouge à lèvres noir et tout, genre très sombre et enfin voilà. Ouais, t'as vraiment commencé à faire un genre de transformation physique. Pas de couleur quoi. Ouais, c'est ça. La musique, t'écoutais un peu d'autres choses et tout ça? Franchement ça pas trop, mais plus au niveau du style et tout. Ouais, d'accord. Avec des bagues. Ouais, c'était vraiment pour le style. Et après quand tu l'as quitté, ou c'est lui qui t'a quitté? Bah c'est moi qui l'ai quitté. Ah ouais, en plus, bah d'accord. Ouais. Sympa. Et là, et quand tu l'as quitté, t'as rechangé de style? Bah non, je suis restée un peu, à un moment donné, je suis restée un peu comme ça et tout. Parce que déjà aussi, parce que si je changeais de style d'un coup, ça voulait dire que j'avais fait exprès juste pour lui plaire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et du coup, non, je suis restée. Et surtout, faut racheter des fringues, ça coûte cher. Hein. Attends, une garde de robe complète. Ah ouais. Moi, j'achète à chaque fois un t-shirt ici, un t-shirt là. Ouais. Là, j'ai pas acheté, pas acheté 50 trucs d'un coup, quoi. Ah oui, c'est trop cher. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et Bastien, alors Bastien, toi, c'est différent, hein, Bastien, 14 ans, là. Ouais. T'as changé quoi pour plaire aux meufs, toi? Moi, déjà, moi, je suis arrivé en 6ème. J'avais un peu une coupe sans. Je me coiffais pas, j'avais rien, tu vois, je t'habillais un peu. En jogging et tout ça, quoi, genre pas très très bien. Donc je me suis dit que pour mon entrée en cinquième, donc voilà, je voulais changer quoi, parce que j'en avais marre. Ouais. J'avais pas. Voilà, on se moquait un peu de moi. Donc je suis allé me faire percer l'oreille. Ouais. Directement après, je suis allé chez le coiffeur pour changer de coupe complètement, quoi. Ouais. Et après, et genre t'as fait quoi comme coupe? T'as fait genre une crête et tout à l'époque? Un dégradé? Ouais, ouais, rasé sur les côtés et plus long sur le dessus, quoi, un peu à la fouteux. Ah ouais, à la fouteux, tout le monde a ça. Ouais. Ouais. Même hors foot, hein. Ouais. Ouais. Rasé sur les côtés et plus long dessus, ouais. Ouais, un peu d'épaisseur au-dessus. Ouais. Ouais. Ouais. Genre tu fais la petite queue d'oignon et tout là, comme les ch'tis, genre à minuit, là. Non. Parce que dans les ch'tis, j'ai l'impression qu'ils ont tous cette coupe là. Ouais, y en a plein qui l'ont. Ah là là, putain, ouais. Ça me fait. Et donc bravo en tout cas, t'as réussi à pécho un peu plus facilement? Bon bah je suis un peu plus respecté quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Comme quoi, ouais. Le look, t'as vu, ouais. Ah oui, ça joue, ouais. Ouais, tu sens que t'es un peu plus beau gosse qu'avant, ouais, quoi, sens, ouais. En gros. Ouais. Ouais. Tu sens un peu que ça va mieux. Quoi. Tu pèses. Ah, mais c'est vrai, on le sent hein, quand, quand on est un peu plus beau gosse nous-mêmes. Je suis chaud pour jouer au jeu. Alors, vous savez quoi, c'est parti. Hein. Guillaume, vous m'envoyez Guillaume un espace et jeu avec votre numéro maintenant là. Guillaume un espace et jeu avec votre numéro au 6 11 12. Tu ne reconnais rien de Gauthier, ça te renseigne avant de parler à la radio. Appelle-moi ça. Voilà, on va t'appeler. Ne vous énervez pas. Arrêtez de vous faire la guerre entre vous. Arrivé, mais il peut y avoir des gens qui se trompent, c'est pas une raison pour insulter quoi. Putain. C'est pas très grave. Patient. Mais vous vous faites du mal à vous quand vous êtes agressif comme ça. Guillaume et votre numéro au 6 11 12. Vous commencez par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Vous mettez votre numéro au 6 11 12 et je vous appelle là. JM du Standard, il est en train d'appeler. Flo des Cadeaux est en train d'appeler aussi. Ouais. On est en train de vous appeler. Julia est en train d'appeler. Yes. Vous envoyez yes. Yes, I. Okidoki, Guillaume. Guillaume et votre numéro là au 6 11 12. Allez-y rapidement. Je vous appelle, j'en mets d'abord un premier. Il s'appelle Mickaël, 24 ans de Saint-Dizier. Bonsoir, Mickaël. C'est qui, papa? Bonsoir, Mickaël. Salut. Attention, je mets la musique. Je mets les musiques pression. Attends, je mets les musiques pression. Dès qu'il y a une bonne réponse. Dès qu'il y a une mauvaise réponse. Ou alors. Voilà. Avec le public à chaque fois. Avec le coup de public, très bien. Alors on va mettre bonne réponse ici. Attention, je vais prendre les questions. On va accueillir donc Mickaël. Tu travailles dans quoi, Mickaël, toi? Je travaille chez McDo. Chez McDo, très bien. Salut. Chez McDo dans, à Saint-Dizier alors. Dans le 5-2. Dans la Haute-Marne, on représente. Il y a Estafina. Bonsoir, Estafina. Estafania. Non, Estefania. Estefania. Ah, salut, c'est espagnol. Ah. Alors attends, ils aiment, on va juste marquer sur le standard le vrai prénom, parce que c'est Estefania. Comme Stéphania avec Estefania. C'est ça. Estefania. Tu vas rajouter un E, Julia, s'il te plaît, regarde. T'as marqué Estefania, c'est Estefania. Ah d'accord. Non, non, je parle à Julia parce que elle débute dans le standard. Elle débute aussi dans le français. Donc, pas grave. Harmonie, tu traînes en quoi toi, Estefania? Estefania. Je suis préleveuse. Préleveuse de quoi? De sang. Non, préleveuse, en fait, c'est comme contrôleur d'hygiène, mais en privé. D'accord, mais c'est-à-dire que tu prélèves quoi? Tu vas chez les gens pour voir. C'est-à-dire que je vais prélever, voilà, non, je vais prélever dans des grandes surfaces ou quoi que ce soit, des aliments en fait pour après qu'ils soient contrôlés. Ah ouais, d'accord, très bien. Ah, t'es inspectrice? Très bien. Ouais, tu vas vérifier que c'est bon. Tu vas vérifier que c'est assez froid le frigo, tout ça. T'as 28 ans. Il y a Rabat, 32 ans à Paris. Bonsoir Rabat. Bonsoir. Bonsoir Rabat. Salut Rabat. Ça va Rabat? T'es d'où Rabat? Paris. Paris où? Vous faites à Charenton. Charenton, très bien. Charenton, et tu travailles dans quoi, Rabat, à 32 ans? Je suis taxi. Taxi, bon, enchanté, mon Rabat. Salut. Harmonie, 30 ans, du 74. Salut, Harmonie. Ouais, salut. Ça va, Harmonie ou quoi? Salut, salut Harmonie. Enchanté, Harmonie. Ouais, bien. Ça va ou quoi? Tranquille, Harmonie, tu es là. Tu travailles dans quoi, Harmonie? Je travaille en usine. En usine, très bien. Rodolphe, 14 ans, à Goulieu. Salut, Rodolphe. Salut. Ça va, 14? Boum. Salut, Rodolphe. Salut, mec. Enchanté, frérot. Ouais, salut. Ah bah, bienvenue. Ça va ou quoi, Rodolphe? Tu es étudiant en quelle classe, toi, Rodolphe? Moi, je suis en troisième. En troisième, bah vas-y, bienvenue, Rodolphe. Il y a Jean-Michel aussi, 26 ans. Salut, Jean-Michel. Salut, salut à toi. Gamin. Tu m'entends, JM? Tranquille ou quoi, JM? Salut, ouais, Jean-Michel. Je t'entends. Jean-Michel de Waterloo, dans le 59. Tu travailles dans quoi, Jean-Michel? Je travaille, je suis responsable informatique magasin. Eh bah, bienvenue, Nico, 22 ans, Rouvroy. Bonsoir à toi, Nico. Tu travailles dans quoi, ouais, Nico? Salut. Forain. Forain? Ah, énorme. Je fais partie des gens du voyage. Putain, t'es à quelle, machine? À quel manège? J'en ai plusieurs. T'as quoi? J'ai un manège en fontaine, une pêche au canard et un trampoline. Putain, ah, là, c'est génial la pêche au canard. Putain, la pêche au canard ou quoi? Ah, une bonne putain. Pêche là. C'est énorme. Mais vaut mieux pêcher avec gonzesses. Kylian qui est là aussi de Sordeval, dans le 50 dans la Manche. Salut Kylian. Allô. Salut frérot. Vous allez bien? Salut. T'es en quelle classe toi frérot? 17 ans. T'es en quelle classe Kylian? Je suis en CAP moi. En CAP, très bien. Ouais. CAP quoi tu fais? Menuisier. Ok. Eh ben enchanté les mecs. Il y a donc Mickaël en ligne 1, Estefania en ligne 2, Rabat en ligne 3, Harmonie en ligne 4, Rodolphe en ligne 5, Jean-Michel en ligne 6, Nico en ligne 7 et 8 Kylian. Je vais poser des questions. Dès que vous avez une mauvaise réponse, faites gaffe à pas faire de bruit, vous êtes tous à l'antenne. Ouais. S'il vous plaît, faites gaffe bruit tout ça. D'accord. À chaque fois que vous avez une mauvaise réponse, ça raccroche immédiatement. Ouais. Je fais les 8 lignes et ensuite je remonte en haut sur ceux qui restent. Ah le stress. Attention. Ouais, c'est le stress. C'est ouais, parti. Bonne chance, hein. Première question. Et on commence par Mickaël de Saint-Dizier. Attention, première question. Préparez-vous. Mickaël, 24 ans de Saint-Dizier. C'est parti. Que veut dire SVT? Science et vie de la Terre. Ouais. Bonne réponse. Estefania, que veut dire hebdomadaire? Tous les jours. Non, c'est un hebdomadaire, c'est une fois par semaine, malheureusement. Aïe, aïe. Perdu. Et ça a raccroché pour Estefania. Rabat. C'est dur. Oui. Troisième question. Quelle est la capitale du Portugal? Immédiatement. Prague. Ah non. Prague, malheureusement. Oh mauvaise réponse. Ça a vu une chèque, Prague, l'impression. Notre standard est réglé. Wow. Attention, ça raccroche immédiatement, ils ne sont plus là. Il n'en reste plus que 6. Il est déstressé là. Il était trop stressé. Harmonie. Harmonie, tu m'entends Harmonie? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que le CO2? Le dioxyde de carbone. Bonne réponse. Bravo. Rodolphe, attention. Quelle équipe la France a-t-elle battue en 8e de finale de l'Euro? 8e. La Suède. C'était la Finlande. Non, l'Irlande. Oh, non, l'Islande. L'Islande. L'Irlande. L'Irlande. L'Irlande. L'Irlande. Ils sont en quart. Malheureusement, mauvaise réponse pour Rodolphe. Merde, j'ai raccroché. Ah, Jean-Michel, ouais. Quel est le prénom de Monsieur Lacoste qui a créé la marque de crocodile Lacoste? Immédiatement. Sinon, ça va raccrocher au bout de 5 secondes. 5. Je sais pas, Jean-René. C'est une bonne réponse. T'as dit au hasard, mec? C'est très bien. Non. Ah, non, tu savais. Nicolas de Rouvroy. En quelle année est sortie la PS4? Immédiatement, Nico. Oh, putain. 2008. En 2008, non, c'était 2000. Oh là là. Ah ouais, ça je savais pas. Il en reste plus que 4. Hein. Kylian de Sourdeval. Oui. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros cette année? Djokovic. Bonne réponse. Wow, bien joué. Il reste Mickaël, Harmonie, Jean-Michel et Kylian. Vous êtes plus que 4. Attention, on passe à la deuxième. Ah, ça va vite, hein, ça termine. Ah, c'est énorme ce jeu. Attention, je vais mettre une musique un peu plus pression. Hein. Attends, elle est où la musique un peu plus pression? Elle est là. Attention. Mickaël, on recommence par toi. Ouais. En quelle année est né Facebook? Combien? 2001. 2004, malheureusement. Aïe. C'est ah ouais. Pas la bonne réponse. C'était dur. Harmonie. Ouais. Dans quel jeu peut-on dire toucher couler? La bataille navale. Bonne réponse. Bravo. Jean-Michel. Bravo. Ouais. Combien de temps dure un quinquennat? 5 ans. Ah, c'était un piège ça, non? Kylian? Ouais. Attends, Jean-Michel, t'es pas passé encore toi? Si, t'es passé. Si, ouais, passé. Kylian, qui ouais. a interprété la bande originale du film Titanic? Attention, c'est. Et on en a 8 à chaque fois que c'est une mauvaise réponse, ils disparaissent de l'antenne. Vite! C'est Nignon. Bonne réponse. Oh, bien joué. Il en reste plus que 3. Attention, ça diminue. Hein. Ça diminue comme dans les jours de soleil. Dans quel pays se trouve la Mecque, Harmonie? En Arabie Saoudite. Bonne réponse. Bravo. Oh. Quel est le surnom de la Corse, Jean-Michel? Vite, 3, 2, je sais pas, 1. Corsica, malheureusement, mauvaise réponse. L'île de beauté. C'était l'île de beauté. Ouais. Il essaie de gagner du temps pour réaliser ouais, ça. Ouais. Sur Google, c'est sûr. Attention, Kylian, vous êtes plus que 2. Oui. Qu'est-ce que Alcatraz? C'est un programme de guerre. Non. Non, c'était une prison. Ouais, oui. En face de San Francisco. Et donc, c'est Harmonie qui gagne ce soir. Bravo, bravo Harmonie. Oui, Harmonie. Yeah, félicitations, merci. Harmonie. Il n'en restera qu'un, il s'appelle Harmonie cette semaine. Eh bah écoute, félicitations, mon chéri. On va t'envoyer un cadeau, d'accord? Ouais. Ok, okay, bah, on va regarder ce qu'il y a. Avec plaisir, avec plaisir. Vous bougez pas, on se fait le clash de la semaine juste après. Là. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. On a tous des trucs chez nous, on sait qu'il faut les jeter, mais on le fait pas. Tu dis ça va valoir une fortune un jour, sauf que je me suis renseigné, le premier iPod, je me suis dit, mais je vais me prendre une blinde, il doit valoir, allez, 16 euros sur eBay. Voilà. Le problème, c'est que dans ta vie, tu vis pas assez longtemps pour que ce que t'avais quand t'étais jeune et que ouais. tu gardes prenne de la valeur. Bien c'est-à-dire sûr. Que ça pourra prendre de la valeur peut-être dans 300 ans. C'est donc, je veux dire, quand il y aura des archéologues qui creuseront la terre, ils vont, putain, c'est un lecteur MP3. Mais pour nous, ça reste de la merde. Rendez-vous lundi, 6h, 9h30 sur Énergie. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire, Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Ouais, vive la Rome.

vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Vendredi soir, on fait le clash de la semaine comme on faisait dimanche avant de 22h à minuit. 20h à minuit, pardon, avant, et maintenant c'est 22h minuit, là, tous les soirs, du lundi au vendredi sur Énergie. Elisa qui est avec nous pour faire le clash de la semaine, tu m'entends Elisa? Ouais, salut. Bonsoir, salut, Elisa, salut. Bonsoir. C'est qui, papa? Ça va, Elisa? Tu viens d'où, Elisa, toi? Merci. De Anse, dans le 28. Dans le 20, représente alors l'heure et loire. Ouais, salut. Vers Chartres. Et ben, enchanté. On va appeler ta maman pour le clash. C'est ça, ouais. Elle a 46 ans, elle est décoratrice d'intérieur. Et tu voudrais lui faire croire en fait que t'es tombée enceinte d'un mec. Je me fais passer pour ce mec-là. Tu vas te faire passer pour un mec à 40 ans qui est militaire. pas militaire, hein, qui est légionnaire. Ouais, ouais. Voilà. Et, pays de l'Est. Et surtout, il, voilà, tu sais pas trop de quel pays. pays de l'Est. De pays de l'Est, ouais. Tu dis pays de l'Est, mais tu sais pas quel pays. Tu dis voilà. Pays de l'Est. Et tu dis que surtout, parfois, il t'en met une ou quoi. Voilà. Et tout pour énerver ta mère, d'accord? Ouais, pas de soucis. Ok, allez-y. On fait son numéro et dès que ça répond, voilà, ça sonne. Dès que ça répond, c'est à toi, là. Allô? Allô, maman? Ouais? Ça va, maman? Ça va? Ouais, toi? Hein? Ça va? Oui, oui, ça va, et toi? Ouais. Bon, ouais. Et je t'appelais parce qu'en fait, tu sais, je veux parler avec toi et tout, d'un truc. En général, je me confie quand même beaucoup à toi et tout. Et tu vois, vous en aviez parlé avec papa qu'en ce moment, je sortais beaucoup et tout. Ouais. Que voilà, j'aimais bien sortir et tout. Et en fait, je pense qu'il est temps, maman, de te dire pourquoi. En fait, tu sais, en général, je sors beaucoup avec Morgane. On va au phare, à Rambouillet et tout. Ouais. Poser l'après-midi et tout. Et en fait, en repartant, quand Morgane est repartie, moi, j'allais repartir. En fait, j'étais en train de remettre mon manteau. Mmh. Et en fait, c'est un mec qui est venu m'accoster. Enfin, on s'était pas mal regardé pendant qu'on buvait un verre et tout. Il me faisait des grands sourires et tout. Et du coup, on a fait connaissance et... voilà, et donc en fait, je suis tombée super amoureuse. Il s'appelle Poutchek. Mmh. Il est militaire. Ouais. Et il a presque 40 ans. Enfin, il a 39 ans, il aura 40 ans dans un mois. Ça va pas, non. Mais ça va pas, la tête. Bah, maman, c'est bon. Tu vas pas nous embêter pour une histoire d'âge. Bah, 20 ans quand même, t'es jeune et en plus t'es étudiante. Oui, bah justement, il faut qu'on en parle aussi de ça. C'est pas possible. En fait, c'était pas forcément voulu sur le moment, mais je l'ai appris il y a pas longtemps. Enfin, ça fait une semaine que je le sais et en fait, je suis enceinte. Oh là là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est contente ta mère? Bah, pas trop, là. Allô? Attends. Qui c'est? Allô? Ça lui fait plaisir, oui. Ou pas, ta mère, du coup, là? Bah, attends, laisse-moi bien. Elisa, maman, t'es content? Tu as fait couler café grand-mère, ou pas? Bah, non, non, mais ça va pas, la tête. Tu t'avais dit couler café grand-mère, les cheveux blancs? Mais maman, écoute. Mais Elisa, mais ça va pas, la tête, non? Mais maman, oh là là là là là, mais attends. Mais laisse-moi parler. Oh là là là là là. Ah non, mais vraiment. C'était où là? Elle va voir le petit-fils ou qu'on fait? Maman, déjà, écoute-moi, laisse-moi parler. J'habite dans mon appartement directement. Oh là là, oh là là, puis la voiture. Oh là là, quelle horreur. Parce que j'ai vu, je fais l'école du Digicode et après je monte au deuxième étage à pied. Il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a pas le bois parce que. En fait, la balustrade de l'escalier s'est cassée. Dis-moi où il habite, j'arrive. J'habite chez moi, justement, depuis appartement de 36 mètres carrés. Elisa, tu me donnes ton adresse. Je trouve qu'elle a l'air contente, ta mère, moi. Ouais, bah c'est ouais, ça. Alors, disons. Il n'a pas encore vu, tu vas voir si je suis contente. Attends, passe-la moi, j'ai lui parlé. Passe-la moi, j'ai lui parlé. Donne-moi ton adresse, Elisa. Ouais, bonsoir, Sylvie, belle maman, c'est Poucher qui a parlé de beau-fils. Oh, non, avec beau-fils, non. J'ai pas de beau-fils, non. Je viens d'engrosser votre fille, là. Je viens de mettre la graine et de moi. Oh, ah, quelle horreur. Quelle horreur. Et je viens d'apprendre. Passez-moi ma fille. On a fait les mois à la cave en levrette et j'ai senti que je m'étais enceinte direct. Oh, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vous êtes vulgaire en plus. Ah, passez-moi ma fille. J'ai eu de la chance parce qu'avant j'ai mis dans le cul et j'ai peur que t'en penses. Oh là là, c'est pas vrai. Elisa? Elle est, en fait, elle est partie faire caca parce que j'ai bourré les fesses tout à l'heure et elle m'a dit... Ah, quelle horreur! je vais raccrocher, passez-moi ma fille. Ah, eh ben, t'es fait un petit croutinou, et puis dans deux minutes, reviens, parce que j'ai tassé la mienne, parce que j'étais chaud. Je vais appeler la gendarmerie. Bah, passez-moi vous... ma fille. Bah, elle est majeure, je suis majeure, on fait ce qu'on veut, elle, t'es folle ou quoi, oui, toi? Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Passez-moi ma fille. Et tu veux, elle est en train de faire caca, tu veux que je tape sur toilette? Eh ben oui, voilà. Attends. Passez-moi ma fille. Elisa, sors des chiottes, deux secondes, elle a fini de faire caca parce que ta mère, elle est colère, là. Oui, vas-y, donne le téléphone. Attends, Elisa. Elisa, oui. Sors des chiottes. Sors des chiottes, c'est dit. Elisa. Sors des chiottes, c'est dit. Elisa, maman, je viens te chercher. Mais maman, s'il te plaît, laisse-moi juste te parler pendant deux minutes. Sans vas-y, vas-y, m'interromps, pas crier comme une hystérique. Oui, et après. Vas-y, parle. D'accord. Il est très gentil. Il a beaucoup de qualités. Bon, il a peut-être un petit défaut, c'est que des fois, il s'emporte un peu et tout. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé que. Ils mettent 2-3 baffes ou 2-3 coups. Oh là là, mais, Elisa, je mais c'est pas grave, maman. Je suis amoureuse. Oh là là là là, mais tu es amoureuse. Ouais, c'est vrai, dites ton gueule. Je te frappe, Elisa, en plus. Ouais, non, mais maman. Mais écoute, arrête de me passer ce con parce que, Elisa, tu me donnes son adresse. Non, mais ça m'est arrivé une fois, petite torgnole, parce que un tel avait cherché à pas ranger la cave, les poubelles. Elisa, mais putain, tu me donnes son adresse. Arrête, je t'en connais une. Tu me passes son adresse, Elisa? Mais je la connais, je connais pas son adresse par cœur. Demande plus gentiment, comme ça, il va penser que tu veux faire connaître. Moi, je te la donne, tu veux la Sylvie, tu veux l'adresse, je t'en connais une. Non mais c'est moi qui vais vous en couler une, vous allez voir, vous me donnez votre adresse. Alors, c'est Poutier qui est Fernandez. Touchez à ma fille, vous allez voir, touchez à ma fille. Bah tiens, là, ah là, voir. Putain dans la gueule. Ah, ouais, voilà. C'est ça. Oh maman, je crois Elisa, que Elisa, tu es où? Je vais appeler les flics. Bah Elisa, je te donne l'adresse, Bougresse, notre adresse. Espèce de lâche, donne-moi ton adresse. Arrête, tu t'en colles une encore, dis-moi, beau fils chéri. Non, passez-moi ma fille. Dis-moi, beau fils chéri, je te dis où j'en colle une. Bon fils chéri, passez-moi ma fille. J'en colle une quand même, voilà. J'en colle quand même. Oh, quelle horreur. Alors, je vous donne mon adresse. Je vous en parle. J'attends l'adresse, allez-y. Maman, s'il te plaît, parle gentiment. Alors, c'est au 88 de l'arrivée. Tout le monde au deuxième étage, j'ai trois à gauche. Mais j'entends rien, il y a de la musique. Ah oui, parce que j'ai mon radio réveil, c'est ma chanson préférée qui passe à la radio en ce moment. Bon, recommencez, donnez-moi votre adresse. C'est en 88 rue, 88 rue. Excuse-moi, t'es arrivé au deuxième étage, tu fais le digicode, tu montes au deuxième étage, tu ouvres la porte et il y a Pouchek avec la fille qui l'a cassée. Elisa, c'est maman, quoi la ville? Surtout, ce que je voulais te demander à la base, et je sais que j'oserais pas t'en parler en face, c'est que, du coup, je vais être obligée d'arrêter mon alternance et tout, parce que je peux pas... continuer mon alternance comme ça en ayant un enfant et tout. Donc je voudrais savoir, tu as une bonne situation et tout, je voudrais savoir si tu pouvais peut-être nous aider un peu financièrement avec papa. Oh non, mais attends. Ah, fais pas ton bâtard, elle a mes belles-mères. Elisa, je veux te voir. Elisa, je veux te voir. Donne-moi. Maman, fais pas ta crevarde des belles-mères. Donne-moi le nom de la ville dans laquelle il est. Je sais très bien qu'avec papa, vous avez les moyens. Vous pouvez largement vous priver juste de vacances au ski pour aider votre fille qui va avoir un enfant. D'accord, à bout de la monnaie, la vieille, à bout de la monnaie. Moi, attends, Elisa, j'aide ma fille, mais sans problème. Mais pas avec un type pareil. Je te sors de là, moi, je te laisse pas avec un type pareil. Envoie la monnaie, la vieille. Oh là là là là là là, mon Dieu. Attends, il y a mes cousins qui sont arrivés, Elisa, comme ça, elle va te trocher à plusieurs. Oh, Elisa, maman, Elisa, c'est oui. Pas possible. Elisa, je vais aller à la gendarmerie, d'accord? Bah, il y a Saga, il y a du mais maman, t'as la peine d'aller à la gendarmerie, ouais, c'est pas ouais. Ça va ou quoi? Allez, ça va, je suis venu pour faire l'amour avec ta femme, tu m'arrêtes? Tranquille, c'est Elisa, s'il te plaît, Elisa, dis-moi où tu es! Mais maman, je t'ai dit où j'étais. Où tu es? Mais je t'ai dit que j'étais chez Poutchek. Quoi? Je t'ai dit que j'étais chez Poutchek. Quelle ville? Mais maman, de toute façon, tu vas pas venir te croire, on est occupé et tout, il y a du monde, etc. C'est notre tarif. Elisa, dis-moi où il habite. Dis-moi quelle ville. Mais non, mais maman, de toute façon, tu vas pas venir te croire. Oh là là là, je vais le massacrer. Et Elisa, j'ai l'impression qu'on a un spectacle de tarif. Eh, Douzguine. Elisa, dis-moi simplement le nom de la ville. Sergueï. Ouais, Douzguine. Maman, tu vas pas venir. Je vais te donner le nom de la ville, ça va changer quoi. Mais maman, franchement, je t'en ai parlé parce que je te pensais beaucoup plus ouverte d'esprit. En fait, je me suis trompée. T'es pas beaucoup ouverte d'esprit. Oh, mais, non, mais attends, Elisa, non, mais attends. Tu tomberais enceinte, ça peut arriver. Mais là, ouverte d'esprit, il faut vraiment que je sois très ouverte d'esprit pour apprendre que t'es enceinte, tu vas arrêter tes études, tu vas te mettre avec ce type qui a 20 ans. Eh, deux secondes. Tu veux baiser la femme ou quoi? La mère ou la fille alors? Tu fais l'amour, Elisa. Elisa, viens voir, papa. Il y a mon cousin qui veut coucher avec toi là. Allez, viens voir des unes. Non, mais attendez. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, la maman, elle est jalouse là, elle veut coucher avec moi aussi là. Elisa s'appelle la gendarmerie. En plus, mon cousin, il est dans les femmes enceintes, ça l'excite. Ah ouais, j'adore, hein, ça se voit le prégnante, ça serait fumeur. Elisa, je connais moi. Elisa, Elisa, je vais appeler la gendarmerie, d'accord? Je vais venir te chercher. Sergueï, ouais, Sergueï, qu'est-ce que tu lui fais à ma femme? Bah, je vais la mettre enceinte une deuxième fois. Mais quelle masse, ce type. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Salut, t'as ça de comment, Sergueï? Je vais la mettre enceinte des jumeaux, t'as avec lui, elle va coucher par la bouche. Et après, je vais coucher avec sa mamie, avec toute ta famille. Qu'est-ce que c'est que ce malade? Elisa, tu me dis où il est. Tu me dis où il est. Donne-moi le nom de la ville. Et après, moi, je vois avec la gendarmerie. Donne-moi le nom de sa ville. Elisa, on va faire une. On va faire la part tous avec tes cousins, comme on est tous les samedis, là. Bah, on va faire la cousinade. Elisa, tu me dis où il est. Mais non, mais maman, de toute façon, tu n'as pas débarqué ce soir. On est au Elisa, on se donne rendez-vous toutes les deux, toutes seules. Je viens te chercher, d'accord? Comme ça, je ne le verrai pas. Mais je viens te chercher, toi. Dans maman, un endroit. J'ai 20 ans, t'as pas besoin de venir me chercher, je suis une grande fille. Tu te fais taper dessus, Elisa, ça va pas, non? Bah, ça va, non, c'est bon, ouais. Moi, dis-nous, on est ta grand-mère, là, Elisa, là. Maman. Ah non, quoi? Maman, tu vas pas mourir parce qu'en fait, bah. On est à la radio sur Énergie. C'était une blague, Sylvie. Ouais. On est en direct sur Énergie. Oh, c'est Guillaume, Radio 2.0. 22h minuit. On s'excuse, ouais, la maman. Pardon. Oh là, mais qu'est-ce. Maman, je m'excuse. Ah ouais, putain. Je sais pas que quand il va revenir à la maison, je sais pas si je vais me sauver ou si je vais me cacher, je sais pas. Si vous allez quoi? Vous cacher? Oh là là. Ah ouais, non, je vais. Oh là là là là, mon Dieu. Non, mais c'était une blague. Eh ben, oui. Rassurez-vous, votre fille, elle n'est pas amoureuse d'un soldat. Légionnaire de 40 ans qui l'aurait mise enceinte au bout de 2 mois et qui parle. Qui l'emmerde. Hein. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il la frappe qui me gênerait le plus. Ah, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Après, ouais. Un homme violent. Il y a 20 ans d'écart, certes, mais enfin. Oh là là là. Non, mais t'inquiète, maman, je retourne en cours dans. Oui, d'accord. Bon, maintenant tu vas rester à la maison. 15 jours, je vais t'enfermer là. Allez, on vous embrasse, Sylvie. Bon courage. Gros bisous. Et vous rappelle juste après. Là, je vous embrasse très fort. Ouais, merci. Bonne soirée, Sylvie. Je vous fais un gros bisous. Bisous, Sylvie. Au revoir. Elisa, tu veux faire une dédicace avant de partir? Oui, c'est un gros bisou à la, du coup, à ma maman qui va forcément écouter, à mon frère, ma soeur, mon papa et à ma meilleure amie Morgane. Eh ben, y a pas de problème. Eh ben, une grosse dédicace à tout le monde. Salut. Pas de problème. Elisa de Hanche représente le 28 d'ailleurs. L'Eure-et-Loire. Et spéciale dédicace à tout le monde là-bas. Je te fais un gros bisou, Elisa. Je t'en passe Julia au standard, d'accord? Merci. Ok. Bisous, allez, gros bisous. Salut. Ciao, Elisa qui est en direct avec nous ce soir. On est jusqu'à minuit sur Énergie là. Et un partout pour PSG qui a joué tout à l'heure contre Saint-Etienne. Ouais, c'est fini. Soprano, on se fait Snake et Justin Bieber. Let me love you. Juste après, on se fera l'énigme. Je vous file des cadeaux. Et s'il y en a qui veut faire le jeu des hôtels, bah, vous êtes les bienvenus. On va se le faire après. Je vous file des bracelets connectés qui déchirent dans le juste prix. Guillaume, et vous envoyez hôtel avec votre numéro au 612. Si vous voulez le faire, je vous appelle maintenant sur Énergie. On prend l'un d'entre vous pour délire avec nous à l'antenne, là, sur Énergie. Ok. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't pour tous les messages hein, pour jouer au jeu des hôtels et tout. Je vois que vous êtes nombreux à vouloir jouer, ça fait plaisir les mecs, on joue ensemble. Qu'est-ce que deux heures peuvent changer dans votre journée? Absolument tout. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on y va, on vous file des bracelets connectés Fitbit, ça coûte une couille, hein, je vous dis. Ouais, ouais, c'est un beau cadeau. Ce truc-là, Flo des cadeaux, tu les as avec toi? Ouais, ils sont là, ouais. Enfin, il les a emballés là, mais voilà, on vous les file sur Énergie. Ce soir, des bracelets connectés Fitbit Charge HRL, c'est les nouveaux. Ouais. Ça permet de vous connecter, vous le portez toute la journée. On peut le porter sous la douche ou pas d'ailleurs? Oui, il est waterproof. Ouais. Il est waterproof. Ouais, ouais. Ah, genre pour nager, c'est bien alors? Pardon, j'ai déjà. Pour nager, c'est bien. Ah, bah oui, voilà. Non, ouais. Mais c'est fait pour. Ouais, c'est pour le sport. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas cool. Quand tu le mets à la natation, tu mets quand tu vas quoi, tu fais plein de trucs et tout. C'est vraiment stylé ce bracelet là. C'est pas de savoir comment t'as couru, comment t'as marché la journée et tout ça. Et ça permet de lire les messages aussi, les SMS. Ouais. Quand ça arrive, vous le voyez directement. Ça surveille ton sommeil. Et exactement. Et tu le portes la nuit et non, ça te dit à quelle heure tu dois te réveiller, ouais. Quelle heure t'aurais dû te coucher. Ah, c'est vraiment bien fait. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. On vous les file maintenant. On va jouer au juste prix. Je vous explique le principe. C'est très simple. Je vais mettre une musique. Vous allez envoyer Guillaume et un chiffre avec votre numéro au 612. Guillaume avec un chiffre au 612. Par exemple, Guillaume, un espace 8 avec votre numéro de téléphone après. 06 1 au 6 11 12. Voilà, c'est le numéro auquel il faut m'envoyer le texto. 61 112 au 6 11 12. Et je vais vous dire petit à petit si c'est plus ou si c'est moins. C'est parti. Il y a Jimmy de Dieppe, c'est le premier message. Il me dit salut Guillaume, est-ce que c'est le 269? C'est moins que 269. Ah, c'est un petit chiffre. Ça va aller très vite, hein. Je vous préviens, ça va aller vraiment très très vite. Guillaume et le chiffre aussi 612. Le premier qu'il trouve, c'est une vraie course, voilà, une vraie course de rapidité. Hein. Trop deg d'avoir perdu à la deuxième place, du coup, c'était quoi le programme Alcatraz Mordor? C'était une prison, c'est mon Kylian. L'éclate à donf, mais je précise, les seuls polonais. Je salue Polak. Tom le Viking, est-ce que ça serait 18? C'est plus que 18. Attention, t'avais pas laissé ton numéro de téléphone dedans. Est-ce que c'est 133? C'est moins que 133. Ah. Vous imaginez, c'est une chance sur 133 de gagner, ouais. Ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. JM du Standard, comment se passe ton téléphone? On avait donné ton numéro de téléphone, ça s'est calmé, ouais. Ça s'est calmé. Ah, tu vois, ouais. Ça s'est calmé. Ah, mais oui, c'est pour ça. Il était pas content hier. Ah, ouais, c'est il était pas content que Flo des cadeaux. Flo des cadeaux, pour vous expliquer, a donné quasiment son numéro en entier. Ouais. Et ça lui a pas du tout plu, il a eu plein de messages, etc. Et ça lui a pas plu. Quoi. Ouais. Le pire, c'était Julien Stagiaire, il a eu 5000 SMS d'un coup. Ah, franchement, t'as vu ça, c'était du truc. Ça, c'était parce qu'il est populaire, Julien Stagiaire. Ouais, populaire, Julien. T'as eu combien de messages, Jim Sondard? Une centaine ou deux. Voilà, c'est pour vous dire, personne l'appelle. Même à la radio, personne l'appelle. On a abandonné son numéro de portable sur Énergie, personne ne veut l'appeler. C'est parce que j'écris en même temps que tu l'as donné. Ah, tu crois que c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont. Personne qui. On peut le redonner ce soir, plus clairement. Non, je rigole, c'est une blague. Et vous tous qui êtes en voiture en train d'aller en boîte, vous l'appelez 06 21. Ah, ça repart. Je rigole, c'est Tu connais par cœur son numéro? Je l'ai appris par cœur pour l'émission parce que je savais que ce soir on allait peut-être le redonner, donc je me suis dit, non, j'ai que ça à foutre. Non, pour de vrai? Non, non, non. Donne les 4 premiers pour moi. Non, non, c'est 21, après je sais pas. Ah, tu sais plus, ouais. Et la fin, je sais que c'est 68 la fin. Ouais. Non, 48. Non, 68. Non, j'aime ça, c'est 68. Ouais, je sais plus. Mais j'ai mon portable là-bas. Moi aussi, attends, je vais chercher. Non, alors, combien c'est? Il y en a un qui dit 119. Salut, c'est moins que 119. Il faut chercher un chiffre. Entre 18 et 119, c'est une chance sur 101. Ça va aller vite, hein, je vous préviens. Vous envoyez Guillaume et votre numéro au 612. Vraiment, ça va très très vite. Guillaume et le numéro au 612. On se fait faire à la Freddy, là, juste après. Avant le jeu des hôtels, là, vraiment dans 30 secondes. Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro au 612. Est-ce que ça serait. Il y en a un qui dit 98. Ça va aller très vite, c'est plus que 98. Voilà, on cherche un chiffre entre 98 et 119. C'est-à-dire que vous avez une chance sur. 121. Sur 21. Non. Sur 21. Entre 98 et 119. Donc, sur 21, vous avez une chance sur 21. Guillaume et un numéro entre 98 et 119. Est-ce que ça serait 100 tout pile? C'est plus que 100. Une chance sur 19, entre 100 et 119. Une chance sur 17 même. Parce que le 119 et le 100, ils sont pas là. Une chance sur 17, allez-y Guillaume. Et vous envoyez un chiffre rond, hein, pas 119,99. Je vois là, qui suis-je? Guillaume, c'est le chiffre qu'on cherche ce soir. Le juste prix, on le fait une fois tous les soirs pour vous offrir des cadeaux. Ça, c'est pour des bracelets connectés Fitbit. Est-ce que ça serait 108? C'est plus que 108. Ah. On est entre 108 et 119, les gars. Ça va vraiment très très vite. Hein. Guillaume et le chiffre aussi 612. Est-ce que ça serait 114? Salut Christophe, 06 06 04, etc. C'est plus que 114. Oula. On cherche un chiffre entre 114 et 119. Guillaume, un espace, vous mettez le chiffre que vous pensez avec votre numéro de téléphone dedans au 612 avant de se faire. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Un chiffre entre 115 et

Mais en tout cas, merci d'écouter l'émission. J'espère qu'il vous plaît. Je suis bien content de faire de la radio, les gars, le soir avec vous. 22h minuit. Je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. On est 564 000 sur Instagram. Ouais. Merci de nous retrouver. Vous tapez Guillaume Play, P-L-E-Y dessus. Sur Facebook, on est combien, JM, du standard ? 1 951 402, Guillaume. Ah, merci beaucoup, merci, les gars. Ouais. On est en route vers les 2 millions. Ça y est. Sur Twitter, pareil. Ouais. Guillaume Play, P-L-E-Y. Là, vous êtes hyper nombreux à nous rejoindre, là, le soir. 460 905, Guillaume. Ah, c'est trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Franchement, trop coolos, quoi. On va filer du coup au premier qui a envoyé 115 le cadeau, le petit bracelet connecté Fitbit qui déchire. Ça coûte hyper cher, je savais pas que ça coûtait si roche ce truc là. Bah ouais. Allez, on vous le file maintenant. JM du standard, on va appuyer sur le bouton. Ça sonne normalement. C'est parti, ça va sonner. Il faut juste que ça réponde et puis on vous offre le cadeau. Allô ? Ça va ? Ouais. Putain, on entend. Oh, c'est qui le papa ? C'est qui le papa ? Fitbit connecté. J'ai gagné 1000. J'ai eu le bon chiffre. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. J'ai envoyé 115. Bon, ça va ou quoi, le routier ? Ça va, tranquille. Ah. Salut. On est là, mon gars. Mais ouais, ça fait plaisir. T'es d'où, toi ? Orléans, les gars. Eh ben, le Loiret, le 45, en force. C'est ça. Là. Enchanté. Une grosse dédicace à tous les routiers, c'est Michto à l'appareil, bande de petits pédés. Big up, big up, big up. Salut les petits pédés. Salut les routiers. Pas de problème, ta dédicace est passée, t'inquiète. Ouais, salut, ouais. On l'a tous bien entendu. Il est en forme. Vu qu'on est en direct, on peut pas la couper. Ah, on est chaud, mon pote. D'habitude, on fout le bordel avec Mickaël, mais là, t'as vu, on vous écoute toujours. Ah, c'est merci. Gentil. Ah, merci beaucoup. Pourquoi ça, tu passes. Pas, c'est vrai. Ah, c'est sympa. T'écoutes depuis quand notre émission, toi? Ah, je sais pas, ça fait une paye, tu vois. Je joue à chaque fois avec tes SMS, là, les devinettes à la con, là. Ouais. Jamais ça marche, cette merde. Hey, là, c'est quoi, ça marche, cette merde, t'as gagné ce soir. Alors, hey, ah, je te trouve un peu trop à l'aise avec moi. Là. Non, je vais te dire un truc. Voilà. On est chez nous, pas. Je vais te dire un truc. Bah, hey, on est chez nous. On reste chez soi quand même. Ouais, d'accord. Non, je rigole. C'est quoi ton prénom ? Michto. Ah, Ludo. Ludo, enchanté, Ludo. Ouais. Ludo d'Orléans, putain, c'est bon ça. Ah, parce que tu passes chez Mickaël de temps en temps, toi, alors? Ouais, Michto. Ah. Ok, Ludo. Ça veut dire oui pour lui, Michto. Ouais, ouais. Je passe chez Mickaël, toi, mais mon blast, c'est Michto. Ah oui, d'accord. Parce que t'es une Michto. Ouais, ouais. Parfois, c'est très très bizarre la nuit, hein, chez Mickaël. Il y a des petits délires, des prolongations, des trucs comme ça. C'est... Ouais. Quand tu tombes dessus, tu peux saigner du nez dans la voiture. Si tu sais pas où t'es tombé, tu peux avoir des petites périodes. Ah bah super, Michto, ah, écoute. Marrant, je t'envoie c'est ton putain, bracelet connecté Fitbit à la maison, frérot. Bah, cyber, les gars. Ok, bah de rien, écoute. Bah, bravo. Faites mourir, ah bah écoute. On essaye. On s'amuse. Balance le numéro, là, un petit peu, là, qu'on rigole un peu, là. Mais Michto, il est chaud. Ah, mais alors, moi, je dirais, c'est Flo des cadeaux qui a donné hier. Ouais, mais ouais, j'ai pas donné la fin. Comment si t'as des couilles, putain. Fallait le noter, Michto. Ah, c'est bon, ça. Bah, tu peux le redonner sans le dernier chiffre. Non, qui le connaît, le dernier chiffre? Arrêtez, les gars, c'est bon. Je vous rappelle, le dernier chiffre, en fait, c'est l'année où le mois de mai a été très violent pour les étudiants. Voilà. Ça, c'est pas très grave. Et c'est toi qui l'avais donné. Ouais. Bah non, mais moi, je croyais que c'était l'avant-dernier, parce que c'est stagiaire, en fait, il a donné le dernier et pas l'avant-dernier. Ah non, 68, c'est l'avant-dernier, en fait. Et le dernier, c'est pas ça, ouais. Ah ouais, le dernier, c'est pas ça. C'est une année, je sais pas qu'il y a eu. D'accord, ok. Ah, t'as regardé ? Non, ouais, j'ai eu. Non. Attends, je vais vérifier. Attends, non, arrêtez, les gars. C'est un département français. Non, pas du tout. C'est la Lozère. Non. Ah, si, c'est 68. Ah, ouais, non. Si. Ah, c'est pas. Mais non, 48. Et le chiffre d'avant 68, c'est 52. Non. C'est bon, les gars, 48. C'est bon. C'est pas bien. Non, c'est pas 48. J'étais sûr que c'était 48. Bah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était bien 0621. C'est pas ça. Arrêtez, comment il est vrai? Arrête, non, arrête, moi je passe à l'eau saoule, j'aime ça. Arrêtez, je crie, je m'en fous. Non, mais il y a un chiffre qui est pas loin de 48 par contre. Arrête! Je reste fidèle au Paris. Non, c'est pas 48. Non, attends. Non, ça rend fou. Arrête. Non, en plus c'est pas 48. Non, on le dit, je dis que c'est pas 48. 60. Non, 68, c'est le dernier chiffre. Par contre, t'habites à Boulogne-Billancourt. Et alors? Il habite à Boulogne-Billancourt, JM. Oui, et alors? Non, on va pas donner l'adresse. Oh, le malade. Non, mais fais les cadeaux. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, moi, franchement, tu deviens mon héros pour l'année. Non, c'est méchant. Non, ça, c'est méchant. Non, on est en plan Vigipirate, c'est dangereux. Ouais. Donner les adresses, non, ça, non. C'est Docteur Michto, hôtel, il est énorme. Ah, alors, très bien. Mandoy, tu fais direct tes remix, tes amis 5K, tes amis 5K. Salut Cyril du 85. Salut. Bonsoir à vous, les gars. Tu veux faire une dédicace, Ludo Michto, avant de partir? Ah, t'as vu, à tous ceux qui me reconnaîtront, puis les gars, continuez comme ça, vous le faites derrière sur la route, et puis voilà. Quoi. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission, tu m'as dit, toi? Franchement, ça fait une paye, j'en sais rien, pour dire le temps, je sais pas, moi. Ouais, ça fait 5 ans que je roule, ouais, je sais pas, ça fait une paye quand même. Ouais, bah 5 ans peut-être alors. Vas-y, bah c'est gentil, man. Vas-y, bah merci, bon courage pour la route, frérot. Bon courage. Bonne route. Ah, si, merde, ok. Y'a pas de raison. Allez, ciao. Ciao, ciao, Ludo. Ciao, Michto. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, tout le monde. Il y avait juste Nelson, on fait un petit jeu des hôtels avant de finir. Tu m'entends, Nelson? Ouais, poteau. Ça va ou quoi? Tranquille. Salut. Salut. Enchanté, hein, 19 ans de Grézieux. C'est qui, papa? À Grézieux-la-Varenne. Représente dans le. C'est dans le 6-9, c'est vers Lyon, hein. Ouais, c'est Lyon, ouais. C'est bah, représente le 6-9, le Rhône, là. Nelson, t'es en quelle classe, toi, Nelson? Moi, je suis routier, moi. J'ai raté l'école, là, j'ai 19 ans. D'accord, ok. Bah, vas-y, hein. Tu es routier? Ouais, je suis routier. Routier, bah, dédicace à tous les routards. On en parlait juste avant avec Michto Ludo, là. Ludo Michto qui était là. Ludo, on a un routier, ouais. Là. Ouais, salut, ça va? Ah. T'as une grande gueule depuis tout à l'heure. Maintenant qu'il y a un deuxième routier, bah ouvre ta gueule un peu là. On va aller couilles, moi, je cherche la deuxième. Je sens que j'avais pris. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez Dave Blow. Si tu me passes la PME, si tu me parles, fais une dédicace. Si tu me touches, une dédicace. Sa gueule, lui. Ah, Michto. Enculé. Oh là là. Ah, il est classe. Il est chaud. Putain, ouais. C'est une princesse. Ah, Ludo. On est chaud, nous, sur la route, mon pote. On est chaud, pour prendre le temps. Attention à la route, quand même. Non, mais t'as raison. Hein. Je vais te dire un truc. T'es pas venu enfiler les culs, j'ai compris. Hein, j'ai compris. Ah, t'as bien raison, mon gars. Non, mais là, on y va, trash. Apparemment, on a un mec qui aime ça. Alors. Apparemment, on a trouvé un spécialiste du hard. On a trouvé un spécialiste, il baisse comme Jacques et Michel, quoi. Bien salement. C'est quoi ta catégorie porno préférée, Michto, parce qu'il est minuit, c'est un bouclier. Bon, bois les couilles, tu crois que j'ai le temps de regarder ou quoi, sérieux? J'ai une femme et des gamins, j'ai autre chose à foutre. Ah non. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu peux être marié. C'est bon, tranquille, frérot. T'as quand même du temps le soir dans ta cabine, là, t'as pas le temps de te branler tranquille. T'as cru qu'on avait que ça à foutre ou quoi, sérieux? Bah ouais, on a toujours le temps. On regarde les cuisses, on regarde les putes, comme tu en as sur le bas là route, le reste, on chie dedans. Ah ouais, putain, toi, alors, je préfère. Tu m'aurais rassuré à te branler sur un film de cul que sur une pute au bas là route. Je t'ai pas dit je veux branler sur une piste au bord là-haut. Ouais. Je sais pas sur quoi tu te branles, mais ouais. Ça doit pas être dans la dentelle. Et c'est pas sur la catégorie romantique de Youporn. T'es malade. Sensuel. T'es malade. Oui. Toi, quand tu fais l'amour, t'es plutôt mou ou t'es plutôt. T'y vas un peu trash Et il frappe, c'est sûr. Mon gars. Ou du sale. Ah, mais c'est sûr. Ah après il parle mais je sais pas. Il fait pas dans la dentelle. Non, non, toi là, même si t'as un pélo, je te casse le cul, j'y aime. Arrête. Je sens que j'avais pris. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez Dave. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches. Tu t'es cru chez Mickaël là ou quoi? Ce qui est énorme, c'est que c'est même pas lui qui a parlé. J'ai rien dit, mon pote. On s'en fout là. Ouais, on s'en fout. On va tomber dessus, mon pote. Avant pas Camille, routier par routier, Cassia. Il a mal. Il est vénère. Personne est là. T'as pas ta soirée. Tu m'as chauffé pour vendredi soir. Aïe. Mec ou pas mec. Après, c'est toi qui vois. Il est parti. Il est rentré dedans. Il a même pas vu. Ah ouais. Il y a qui le DJ là? C'est Tiesto. Tiesto, putain, ouais, merde, il faut qu'on rentre à l'heure. Fais chier, ouais. Putain. Nelson, je te rappelle lundi, d'accord? Ok. Ok, 22h minuit lundi. Ça sera Nelson qui ouvrira le jeu des hôtels de la semaine. Ouais. Il ouvrira le bar, il essuiera les plâtres. Ok. Ok, je t'embrasse, mon Nelson. En tout cas, à lundi alors. Allez, okay, on fera le jeu du brrr. Il faudra à la fin de chaque phrase faire le brrr. Ouais, ouais. Et de plus en plus long, par exemple, hôtel Montparnasse. Enfin, vas-y, j'en ai. Ouais, tu veux que je fasse hôtel? Vas-y, voilà. Hôtel Énergie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'aimerais une chambre, s'il vous plaît. Brrr. Oui, pour quand, monsieur? Ça serait pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Brrr. D'accord, quel nom, s'il vous plaît? Ça serait pour mercredi soir, s'il vous plaît. D'accord. Moyenne de paiement, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. donc on le fera lundi. Vraiment l'hôtel, quoi. Ah ouais, bah oui. J'aime Nelson, n'oublie pas ce que t'as dit. On va découper la phrase de Nelson. Ouais. Ah oui. Faut découper. Oh, Michto, je vais devenir ton pire cauchemar, je te jure. Je vais te chercher, poteau. Ah ouais, c'était magnifique. Vas-y, on écoute ta dédicace, Nelson, dépêche-toi. Il nous a mis en double appel, ce con. Nelson, fais ta dédicace, vas-y. Ouais, une petite dédicace à ma copine et à l'autre manche-papier d'Aurélien, là. Au lieu d'être chez lui, il roule, là, comme un connard. Vas-y, y a pas de problème. Pas de problème. Dédicace, les potos. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve lundi, du coup. Passez un bon week-end, les mecs. Ça fait chier de pas être là le dimanche. Mais vu qu'ils nous ont mis le vendredi, ils nous ont pas mis le dimanche. Ouais. Donc voilà, vendredi, du lundi au vendredi, 22h minuit. Bon week-end, les copains. Merci d'être là. Kiffez bien, profitez bien, profitez-en pour sortir, pour vous reposer un peu aussi. Et on se retrouve bien en forme à partir de 22h après le début de la semaine. Jimza, tu fais quoi ce week-end? Je sais pas, genre des potes là un peu, ouais. Ah, très bien. Ils sont montés sur Paris tranquille. Ah, alors, ils sont souvent là, tes potes du Sud, hein? Ben là, c'est. Mais tout le temps, tu me dis, je sais que mes potes du Sud. Ah, ouais, c'est bizarre ça, hein? Depuis 6 mois, ils sont pas venus là. D'accord, ouais. Très bien, ouais. Jules, déjà, tu fais quoi ce week-end? Être piscine, mais c'est pas sûr, ça dépend piscine. Du temps. Ouais, demain, il fait beau apparemment. Ah, tu t'es mis un peu au sport, je sais. Non, piscine, toboggan et tout, hein. Pas nager, moi j'aime pas nager. C'est faire la bombe, des plats, tout ça. D'accord, bah écoute, qui vient la piscine? Ouais, merci. À quoi vouloir? Ouais, d'accord, ok, c'est une grosse piscine où il y a des trucs à Paris. Ouais. Tu fais quoi, Julia, ce week-end? Alors, je déménage. Gros week-end chargé. Ouais. Ah ouais, oh putain. Ouais. C'est voilà. Pas les week-ends agréables. Ah ouais. Ouais, non. Bon, si t'as besoin d'aide ou quoi, t'hésites ouais, pas. Bien tu sûr, me dis ouais, ça. On n'est pas là. Merci beaucoup. T'hésites pas, tu n'appelles pas Jim. Je vais stagiaire, c'est le mec qui viendra en dernier télé dans ta vie. Ah non. Je suis à l'heure pour ça. Un peu des cadeaux. Moi, je vais à côté de Van faire les 30 ans d'un pote. D'accord, okay, le mec il voit. Il va drouille. Ouais, il est bien lui. Putain, mais le mec, il a changé. Ça va être un gros truc en plus. Le mec, il s'est embourgeoisé quoi. Ah ouais. Avec son jet. Non, parce qu'en plus, j'y vais pour pas cher encore. C'est vrai, à Van ? Ouais. Combien ? 1 euro. Non, c'est pas vrai. Si, je ramène une voiture. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas cher. C'est énorme, ouais. C'est énorme son truc. Ouais. Je ramène une voiture en fait d'une agence de location à une autre, et du coup, en fait, tu payes pas la location. Mais comment tu fais pour faire ça? Bah, c'est sur un site qui s'appelle Drive Me. Ah oh, putain, c'est pas mal. Tu payes, bon, en gros, tu payes que l'essence. En fait, tu sers d'employé. Ouais, eux, ça les arrange, et puis bah, moi aussi. C'est un euro. Bien ce truc. C'est là. Un euro, voilà. Ouais, c'est juste pour symbolique. Un euro quand même, faut ouais. Les sortir. C'est chambé ça, putain, bah je connaissais pas quoi. Donc j'y vais en voiture. Mais t'as pas toutes les destinations, non? C'est vraiment de la chance. Bah, c'est surtout de Paris ou vers Paris quoi. Ah ouais, putain, mais alors ça c'est super. Mais super. Après, tu payes que l'essence quoi. Oh là là, putain, il vient de donner un dos. Ah ouais, change. Non, mais franchement, un il faut avoir le permis. Donc, c'est pour ça que j'y vais. C'est pas flot des cadeaux, c'est flot des tuyaux. Allez, bon week-end, gros bisous les copains. Il est prêt, Tisto, à côté dans le studio, il est prêt. Eh ben, on envoie les platines là, je lève la tranche pour qu'on puisse l'entendre. Je vous fais un gros bisou les copains, je vous aime très fort. On se retrouve lundi à partir de 22h pour passer deux bonnes heures ensemble et bien rigoler. Je vous embrasse, à lundi, bon week-end. Merci d'être là de plus en plus nombreux, c'est un gros kiff d'être là chaque soir. Bisous, bisous. Et on se parle sur Facebook, Twitter, Instagram, évidemment. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Toutes les plus grosses bombes dance, toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Énergie. Dans Énergie Extravadance. Tous les week-ends, minuit, Énergie Extravadance. La plus grosse salle de France démarre. Maintenant. Around the world right now, millions of people are talking about one thing. Just can't wait tonight. Get you on the VIP list. Oh, yeah. Where their club life will take them. Tonight. For the next 2 hours, get ready to be transported to your favorite club with your favorite DJ. Featuring the best music from around the world. This is Club Life by Tiësto. my bed, getting undressed. It's about to go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be. I got to take it right now. Remix done by the Hymn of my track together with John Legend, Summer Nights. Good to know that you tune in to Club Life by Tiësto. Coming up, two new tracks from my label Musical Freedom. Music by Adrian Lux, Cashmere, OK, and a guest mix by a Dutch duo. But now first, exclusive on Club Life, a new release on Flamingo Records by Dropgun, together with Langs and Danks. This is Better Love. Tiësto's exclusive. Hey, this is Dropgun, and you're listening to the world premiere of our new single, A Better Love, with Langs and Danks, here on Tiësto's Club Life, coming out soon on Flamingo Recordings. Welcome to Club Life. Tiësto's Club Life. It takes a lot to feed my soul. Yeah, it's a hungry I'm no more. But I'm vibing in this tension, yeah, it's palpable. Never find a brighter to day. Sit and lose and congregate. Go ahead and throw your shade if you wanna let it get away. Better love. Tiesto.